Bienvenue dans Family Pack, l'émission où l'on parle de jeux vidéo en famille. Est avec moi, comme à chaque numéro, Natacha, alias Madame Maman. Bonjour Madame Maman. Bonjour à tous. Axel, 13 ans, bientôt 14 maintenant, et quelle épopée, c'est incroyable. C'est Axel, bientôt donc 14 ans, comment vas-tu ? Moi ça va très bien, oui, effectivement, cette épopée fut un miracle. J'ai pu trouver une très chère épouse, ce qui est fou, je suis toujours célibataire, donc oui, je suis à la conquête du château. Quidj ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon bref. Quidj ! Tu veux dire Quidditch ? Désolé pour ce moment lunaire, les adolescents, ça... voilà. J'aime pas la lune, on va faire le soleil. Alors, et moi donc Bruno, de mon pseudo humblement Monsieur Papa, j'espère que vous allez bien. Donc Family Pack, on rappelle le principe, on parle de JV en famille tous les mois. C'est dispo partout, en audio, sur toutes les applis, les portails de podcast, même les applis que vous ne connaissez pas, c'est dessus. Et en vidéo pour nos chers patrons, car si vous voulez nous soutenir, il y a le Patreon, hein, patreon.com/familypack. Donc pour voir l'émission en vidéo, pour la voir en avance, pour avoir des petits bonus, des petits articles. Là récemment, j'ai publié un boost ton podcast numéro 3. C'est une rubrique récurrente où je reviens un peu sur ce qu'on essaie de faire en backstage pour faire connaître le podcast à voilà au plus grand nombre. Là, je parle des pubs Facebook et on peut dire que ça a été une petite douche froide. Bref, j'en parle. Douche chaude. Oui, effectivement, on essaye de mettre les coulisses, pas mal de choses. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir. L'occasion de remercier à nouveau tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon. C'est vraiment très très important et voilà. Que ce soit les Patreon contributeurs ou les Patreon qui font juste suivre, parce que maintenant sur Patreon, il faut le dire, on peut juste suivre une émission complète. Pour juste apporter un peu plus de visibilité et sans rien débourser. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir nous aider un petit peu, il n'y a pas de souci. Et ça c'est bien chouettos. On a pensé un petit programme encore bien sympatoche pour ce mois de février. Encore bien chargé. Là le début d'année, la fin d'année a été cataclysmique et le début d'année c'est pareil. Oui, mais c'est bien, remarque, comme ça on ne manque pas de sujets, que ce soit au niveau des jeux, au niveau de l'actualité, il y a des choses qui nous ont marqué. Et effectivement, le principe de l'émission, ce n'est pas de détailler tout ce qui s'est passé, que ce soit en termes de sortie ou d'actualité. Non, vous le savez, il y a une ce qu'on appelle une curation, c'est-à-dire que tout simplement le filtre, c'est ce qui nous intéresse ou pas là chez nous dans la famille, ou quelque chose qui serait susceptible de vous intéresser. Donc en tout cas on en parle et ce que je vous propose, c'est qu'on commence pas plus tard que maintenant. C'est parti alors. Un petit jingle des familles et on revient. À tout de suite. Ciao. Alors, pour les actualités de ces dernières semaines... Et Dieu sait qu'il y en a eu. Il y en a eu, donc on a retenu quelques petites choses. Quand je dis des petites choses, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes, mais elles sont assez costaudes, notamment... le fait que ça bouge beaucoup du côté de chez... T'as envie de rigoler, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas... Alors, on va excuser Madame Maman qui n'a là, au bas mot, peut-être que 3 heures de sommeil depuis... quelle heure il est ? Depuis une quinzaine d'heures ? À peu près. Donc, je sais pas comment elle fait pour tenir. Bref. Sachant que ça fait 3 jours de suite. 3 jours de suite. Voilà. C'est pour ça qu'on se shoot à la San Pellegrino, qui n'est pas un sponsor, mais si, ils veulent bien nous sponsoriser. Shooter. Ce sera avec plaisir. Ah, je veux bien me faire livrer des palettes de... On ne teste pas de palettes... On ne teste pas de Saint-Pellegrino ou d'eau gazeuse dans cette émission, donc... Et c'est un mal, c'est un mal. Voilà. C'est un mal incarné. Attention, ça fait péter. Alors, en parlant de mal... peut-être pas incarné, mais... on a appris que Microsoft, donc, allait licencier 1900 personnes dans son équipe jeux vidéo, donc sur le pôle Xbox, et principalement chez Activision Blizzard... après ce rachat qui a été vraiment quelque chose qui nous a tenu en haleine pendant des mois, comment je m'en sors bien, des mois et des mois, c'est une private joke pour les contributeurs du Patreon qui verront le bêtisier en fin d'année. Vous comprendrez pourquoi. Bref. Arrêtez de péter. Quel rapport ? Mais je arrêtez de péter. Pourquoi ? Mais il a bu lui ou qu'est-ce qu'il a depuis tout à l'heure ? Bref, allez un peu de sérieux. Des licenciements qui interviennent. Peu de temps après, alors le timing est quand même assez fou, peu de temps après ce rachat qui a fait couler beaucoup d'encre, D'ailleurs, il se passe des choses aussi. Il y a une commission qui revient. Mais bon, là, pour l'instant, on n'a pas toutes les données, donc on préfère pas s'avancer là-dessus. Dans tous les cas, donc ça, c'est la première actualité Xbox. Et la deuxième, je vais enquiller tout de suite là-dessus. On a une pensée pour ceux qui vont se retrouver sur le carreau. C'est vraiment un drame. Hein. Et on a appris aussi, alors que visiblement, il y a des sources de plus en plus concordantes et de plus en plus, je dirais, sérieuses, qui font état d'un Xbox qui deviendrait que éditeur dans un avenir plus ou moins proche, ou tout du moins, attention, il y a une nuance. Non pas un Xbox qui arrêterait de faire tout de suite des consoles, mais qui deviendrait éditeur multi-support. Ainsi, on pourrait voir débarquer des exclus Xbox sur PlayStation 5, par exemple, ou d'autres machines. Et juste, alors je te donne la parole, juste pour préciser qu'au moment où on enregistre, on n'a pas encore eu la déclaration de Phil Spencer qui, dans quelques jours, donc qui est le patron d'Xbox, qui devrait faire une déclaration à ce sujet sur le... Il a appelé ça une business update, c'est-à-dire une mise à jour business de la marque, sur le futur de la marque. Mais ça, c'est une déclaration qui, au moment où on enregistre, n'est pas encore arrivée, donc ça devrait l'intervenir dans quelques jours, mais pour l'instant, donc on n'en sait pas plus que ça. Madame Maman, c'était ce que tu voulais dire. Moi, je vais un truc à rajouter. Ce qui prouve que cette émission reste quand même dans un naturel et que tout n'est pas écrit et que rien n'est écrit. Rien n'est écrit rien en avance. N'est écrit, justement. On n'est pas dans la forêt, on est chez nous. Bon, pardon, bref. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que... Voilà, ta coupe. Maman voulait parler. C'est que... Non, vas-y. Bah, dis ce que t'as... Enchaîne. Vas-y. Roulez. Gros lent. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que bah déjà si Xbox deviendrait éditeur plus tard, bah limite ça m'étonnerait pas, parce que Xbox, alors ça c'est un truc que je trouve vraiment dommage, parce que c'est quand même tout un business derrière, c'est que Xbox ne se concentre que sur les abonnements du Game Pass et tout, et ils s'en foutent, enfin bien sûr ça les préoccupe évidemment, mais genre ils se consacrent pas totalement aux consoles autant que leurs abonnements. Et ça, je trouve ça quand même dommage, parce que on s'en rend pas compte. Bon, on est clairement plus du côté PlayStation, hein, avec la PS5 qui est incroyable. Mais faut croire que incroyable. Faut croire que du coup la Xbox Series X S, voilà tout ce que vous voulez. Bah, ça a quand même son gagne-pain du coup. Donc c'est sûr que voilà, ils se concentrent là-dessus. Mais le problème, c'est que s'ils deviennent éditeurs uniquement éditeur du coup, comme tu l'as dit, et qu'ils arrêtent donc de faire des consoles, bah déjà ils vont perdre une partie de leur pognon, parce que l'Xbox ça rapporte quand même un max de blé, faut être honnête, et puis peut-être surtout, pas assez justement aussi, ça se vend quand même, hein, mais enfin ça se vend quand même beaucoup, parce que voilà, Xbox c'est Xbox, il y a toujours une commu gamer, voilà, Team Xbox. le micro Team Xbox. Mais ce que je veux dire pas, c'est que bah le problème, c'est que s'ils deviennent qu'éditeurs par la suite, parce que déjà bah ça gâcherait les exclusivités, parce que c'est justement les jeux, ils ont leur charme parce qu'ils sont exclusivement Xbox, et du coup c'est un peu un charme qui sera un peu détruit, je trouve, à mon goût, si on les voit sur Sony, parce que c'est vrai que quand on achète la Xbox, on se dit, ah, il y a tel jeu exclusif, je suis bien content d'avoir acheté un console pour y jouer. Et le problème, c'est que si on voit sur PS5, bah, c'est vrai que ça casse un peu le truc. Mais... Oui, mais s'ils deviennent que éditeurs et qu'ils font plus de console, forcément, le jeu, il y aura. Enfin, là, pour l'instant, les exclusivités, ça leur permet de vendre des consoles, on est bien d'accord. Mais forcément, s'ils vendent plus de consoles, va bien falloir qu'ils les vendent, leurs jeux. Donc forcément, il faut qu'ils l'ouvrent aux autres plateformes. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, de toute façon, eux, ce qui les intéresse le plus, c'est le Game Pass. Si tu... Ouais, bah, c'est dommage pour moi. Bah, si t'achètes leur jeu via un abonnement Game Pass sur PS5, par exemple, je pense qu'ils seront encore plus gagnants. Parce que ça veut dire que leur exclu Xbox sur une console qui, effectivement, là, la Series X, elle est quand même loin, très très loin du succès de la PlayStation 5 et la Switch, n'en parlons même pas. Ce qui veut dire que, potentiellement, ça ouvre ce jeu-là à un public beaucoup plus grand, beaucoup plus large, et eux, ce qui les intéresse, c'est surtout le Game Pass, en fait. D'ailleurs, si on ressort des déclarations d'il y a même déjà quelques années, leur objectif, c'est surtout que les jeux Xbox soient accessibles pour tout le monde et sur quasiment toutes les machines. Ça, c'était leur objectif. Donc moi, je pense, alors après, je peux complètement me planter, mais il peut y avoir, je pense, une période de cohabitation avec les Xbox, le temps de laisser mourir tranquillement les machines Xbox, et les jeux qui commencent à s'ouvrir sur les jeux Xbox qui commencent à arriver un peu partout. Et puis bon, alors c'est vrai que ça, quand ça a été annoncé, ça a fait un peu l'effet d'une bombe, mais quand on a connu, quand on est un vieux machin comme moi, et qu'on a connu Sonic arriver sur les consoles Nintendo, je veux dire, à côté, les jeux Xbox qui arrivent sur PS5, c'est vachement moins choquant quand à l'époque, tu nous aurais dit pendant la guerre Mega Drive Super Nintendo que Sonic allait arriver sur une console Nintendo, on hurlait de rire. D'ailleurs, c'était un running gag pour nous. Nous, les jeunes de l'époque. Donc, moi personnellement, moi-même, à moi tout seul, moi, ce serait une bonne idée parce que l'idée de la perspective plutôt de me dire que je pourrais jouer donc à l'exclu, en tout cas pour l'instant encore, Microsoft, enfin Xbox de Kojima qui prépare un jeu d'horreur, Audi, d'y jouer sur ma PS5 ou Hellblade 2, qui est un jeu que j'attends. C'est vrai que ça, c'est des jeux qui auraient pu, si on avait les moyens à ce moment-là, me faire acheter une Series X d'occasion, par exemple, pour pouvoir y jouer. Là, si ça arrive sur PS5, c'est super, quoi. Après, moi, c'est le timing qui me pose plus question. Parce qu'en l'occurrence, il y a eu donc cette saga de l'été avec le rachat d'Activision Blizzard, tout ce que les hautes instances ont fait pour essayer de faire capoter le truc. Tout ce déballage aussi. Toute cette guerre par avocat interposé. Au final, le rachat a eu lieu à quel prix ? Là, on pourra le discuter. Et juste derrière, il y a une grosse vague de licenciements. Bon, déjà, c'est légèrement discutable. Vient juste après l'annonce que Xbox veut devenir seulement éditeur. Je trouve qu'il y a un double effet pervers à ça, c'est qu'en fait, les joueurs n'auront plus trop le choix de console. C'est-à-dire que si tu veux une console qu'on a dans le ventre, c'est clairement pas la Switch qui va faire le poids face à la PS5. Et à partir du moment où Xbox va se retirer du marché, la seule console, à moins qu'un nouveau constructeur de console voit le jour, hein, c'est possible aussi. Il y en a eu qui sont sortis du bois à l'époque où Sony ou Sega s'est cassé la gueule. C'est possible. Mais là, en l'occurrence, on se dirige vers un marché où, comme console hyper puissante, il y aura juste la PS5 et, éventuellement, là, dans un autre style, le PC. Quelque part, ça va... Oui, le monopole, c'est jamais bon, quoi. Voilà, ça va renforcer un monopole de Sony. Du coup, il n'y aura plus cette espèce de concurrence, entre guillemets, saine qu'il y a entre la Xbox et la PlayStation, où c'est un peu la course à l'innovation, machin. Bah voilà, c'est moins drôle. Ça crée une émulation, ouais. Là, ça sera beaucoup moins intéressant, un peu comme ce qui s'est passé avec Apple, qui se repose désormais totalement sur ses lauriers, même si maintenant, les autres smartphones l'ont rattrapé. Mais pendant des années, ils ont eu le monopole, et au final... Et bah maintenant ils se font un peu dépasser par tout le monde parce que pendant des années ils se sont reposés sur leur laurier. Non, pas par tout le monde. Enfin, pour moi, je trouve en termes de téléphone par exemple, Apple, bon évidemment, ça restera des boss sur les téléphones, même si c'est vrai que c'est vraiment très cher. Il ne faut jamais en acheter un tous les ans, bien évidemment. Mais qu'on le veuille ou non, ça a beau être excessivement cher, c'est des boss du téléphone, faut l'avouer, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est vrai que par le passé, ils étaient souvent connus, ils étaient connus même comme les boss du smartphone. Maintenant, c'est vrai que certains Android comme Samsung par exemple, pour moi c'est celui qui est pour moi vers vraiment le vrai niveau, vers à peu près le même niveau qu'Apple niveau optimisation et tout. Même si sur certains ça commence à se développer et à vraiment faire du joueur, et autant il y en a d'autres, je trouve c'est vraiment la ramasse. Mais et pourquoi Samsung a pu rattraper Apple? Parce que Apple, ayant le monopole, s'est reposé sur ses lauriers. Et n'ayant pas de réel concurrent à l'époque, en plus de la mort de Steve Jobs, s'est reposé sur ses lauriers. Et j'ai peur que ça fasse un peu pareil dans l'histoire Sony Xbox. Maintenant, peut-être que je me trompe complètement. Peut-être que Phil Spencer va annoncer que c'est du bullshit et qu'au final, oui. Alors après, on sait pas ce qu'il va dire après. Il a pas parlé encore. Après, il peut y avoir les deux, hein. Les Xbox peuvent continuer à exister, Et le Game Pass peut s'infiltrer dans toute machine, parce que c'est vrai que nous on est surtout PlayStation et Nintendo, mais enfin, Nintendo plus trop quand même, hein, mais... il faut quand même, on parle pour toi, il faut quand même, même si oui la Xbox depuis quelques générations malheureusement bon, voilà, se fait un peu rouler dessus, mais il y a quand même énormément de fans de la marque Xbox, et je pense que je trouve ça un peu triste quand même de balayer ça d'un revers de main. Moi, je pense que ça peut être sympa d'avoir toujours des Xbox qui sortent pour les fans de la marque, avec pourquoi pas justement des petites innovations technologiques pour amener quand même une expérience Xbox clé en main. Et là, comme tu dis, on conserverait l'émulation avec Sony, où chacun se tire la bourre, parce qu'effectivement, c'est ça qui fait que chaque console est quand même vachement bien. C'est que c'est la concurrence, quoi, tout simplement. Mais à côté de ça, que le Game Pass, et ça c'est pas la première fois que ça revient, parce qu'il y a des bruits de couloir qui parlent de ça déjà depuis quelques années, que le Game Pass soit sur toutes les machines, mais comme quand vous abonnez par exemple à Netflix sur votre PlayStation ou votre Xbox, bah là vous vous abonnez à votre Game Pass. Alors c'est vrai que ça serait bizarre de s'imaginer, peut-être pas sur PS5, ça me paraît trop tôt, de voir un onglet Game Pass sur PS5 et puis hop t'accèdes à tes... Mais finalement, pourquoi pas, peut-être pour la génération d'après. C'est déjà le cas, il y a le PS Plus, c'est déjà le cas. Oh, mais c'est Sony, c'est sur la console de Sony et c'est le store de Sony. T'as pas le PS Plus sur Xbox, donc par contre le PS Plus tu peux déjà l'utiliser sur PC déjà. Oui, c'est pas faux, mais oui, mais le Game Pass aussi. Il a aussi acheté des jeux depuis la PS App grâce au PS Plus. Voilà, côté Sony, on a les grosses les jeux qui font vendre des consoles Sony, les grosses exclusivités qui maintenant arrivent un an ou deux ans après sur PC. Ça fait un appel d'offres. Et pourquoi Xbox ne ferait pas la même chose? C'est-à-dire que leurs gros jeux sont sur Xbox pendant une année ou deux, comme Sony fait par exemple, comme Sony a fait pour Horizon Spider-Man 1, qui sont arrivés sur PC un ou deux ans après. C'est pas inimaginable. C'est-à-dire que t'as quand même le jeu sur Xbox et PC est disponible tout de suite sur le Game Pass sur Xbox, le Game Pass Xbox, etc. Et pourquoi pas voir le jeu arriver, peut-être pas sous la forme du Game Pass, mais sous la forme peut-être d'un jeu pleine bourre à acheter sur PS5 un ou deux ans après. Ce serait pas... En fait, il y a plein de possibilités. Il y a pas mal de modèles économiques qu'on peut envisager pour ça. Moi, tu m'ôteras pas de l'idée que ça sent un peu mauvais cette histoire-là, parce que l'annonce dans la même semaine... que après le rachat d'Activision Blizzard, d'une vague de licenciements et d'un arrêt de production de consoles, si c'est avéré, moi je trouve que ça sent quand même mauvais pour la marque, parce que est-ce qu'ils auraient pas du coup eu plus gros yeux que grand ventre en rachetant Activision? Ça leur a coûté une blinde. Tout va dans le sens de se dire qu'ils avaient peut-être pas les reins financiers pour ça. Alors je ne sais pas, hein, moi j'y connais rien, je suis pas très chiffre, mais bon, quelque part, pour la marque, ça sent pas très bon et ça envoie pas un super message, quoi. Moi, les reins financiers, je pense qu'ils les ont, parce que Microsoft, voilà. Je pense surtout que c'est une opération... si ça a été calculé en amont de la sorte, c'est quand même sacrément machiavélique. Mais de toute façon, je pense qu'il va y avoir des suites, hein, sur cette histoire-là. Dans le sens où il n'est pas impossible que certaines instances reviennent sur ce rachat, parce que là au moment où on enregistre, j'ai vu qu'il y avait l'une des commissions principales qui revenait, enfin qui commençait à remettre le nez dans ce dossier-là. Je pense que la saga n'a pas encore livré tous ses rebondissements. De toute façon, on vous en reparlera. Juste en parlant de succès de machine, on parlait de Nintendo. Et ben il faut savoir qu'au Japon, là récemment, on a appris que la Switch était devenue officiellement la console la plus vendue de l'histoire du Japon, avec 33,34 millions d'unités écoulées, dépassant le record de la Nintendo DS qui elle était à 32,99 millions. Je parle bien du Japon, hein. On parle pas du record mondial qui est encore tenu par la PS2, mais au Japon, la Switch devient la console la plus vendue de l'histoire du pays. Ouais, voilà. Quand même. C'est. Bah, c'est aberrant. C'est là, c'est factuel, enfin, les chiffres sont là. Je trouve d'un côté c'est mérité, d'un côté c'est pas mérité pour moi. C'est mérité pour les jeux, c'est pas mérité pour la machine, mais ça. Non, pour la machine, zéro. Voilà, on. Si mais vous ça, on pourra refaire le monde, mais de toute voilà, façon. Voilà, si, on va pas refaire le débat si vous nous suivez, ou si vous venez de nous découvrir avec cet épisode, on parle beaucoup de la Switch, notamment. Je crois qu'on a fait il y a deux émissions de ça, un nouveau débat sur la Switch, donc n'hésitez pas à le. Non, plus que deux émissions. Enfin, non, mais en fait, à chaque fois que je teste un jeu dessus, je râle, donc forcément. Oui, bah, voilà. On en reparle à chaque fois, en fait. Et il y a, pour revenir chez Sony, une news que j'avais gardée exprès pour Axel, je pense pas qu'il est au courant. On a appris que le New Game Plus de Spider-Man 2, donc sur PlayStation 5, elle est arrivée le 7 mars. Voilà, je ne sais pas, à mon avis, il sera pas payant, hein, ils feront pas comme Sega pour Yakuza 8. C'est quand même sale. Donc ouais, alors ça ouais, je suis d'accord avec lui. Je trouve quand même que c'est ultra salaud de faire payer le New Game Plus de Like a Dragon. Mm. Quand tu payes une galette 80 euros et que tu es obligé de payer encore pour le New Game Plus, ouais, moi je trouve ça dégueulasse. Bref, en tout cas, toujours est-il qu'on en abordera peut-être le sujet un peu plus tard. Oui, hein, parce que Axel, tu nous testeras le New Game Plus quand il arrivera pour Spider-Man 2. Oui. Parce que le jeu que tu as vraiment adoré, c'est ton jeu de l'année d'ailleurs, 2023. Et on va terminer avec un bref résumé du State of Play 31 janvier 2024, Sony, PlayStation. On a eu donc un State of Play avec... avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses très sympathiques. Alors voilà, comme d'habitude, le but ici, c'est pas de tout décrire, parce que si vous êtes à fond PlayStation, vous êtes déjà au courant. Mais on a eu quand même pas mal de belles petites choses. Moi, si ça vous dérange pas, je pense que je vais énumérer ce qu'on a surtout retenu, et je vous laisserai revenir sur les points qui vous ont le plus marqué. On a eu donc une nouvelle vidéo de Stellar Blade. Donc le beat'em up à la Devil May Cry avec une héroïne super classieuse. C'est le jeu chinois. C'est coréen, je crois. Coréen, c'est pas chinois. Coréen ou chinois. Je crois que c'est coréen. En tout cas, qu'on voit du lourd. En tout cas, c'est très très beau. On a appris un remaster de Sonic Generation avec un segment Shadows dedans. Oui. Puisque ça va concorder avec la sortie aussi de Sonic, le troisième film Sonic. Sonic 3. Et Jim Carrey ouais. sera toujours de la partie. Donc ça, c'est cool. Yep. On a eu aussi. Alors, je parle bien sûr de ce qui nous a juste qui nous a intéressé. Hein. Voilà, donc il y a eu le Shadow Drop, la sortie surprise de Silent Hills Short Message. Alors ça, moi, je me suis jeté dessus. Pas très familial, mais bon, voilà. Non, ça. Non, je confirme. Voilà, spoiler, c'était très chouette, je trouve. On a revu du Silent Hill 2 pour mon plus grand bonheur. Alors c'est là que je me dis que ça va être très On a vu du Judas, le nouveau jeu donc de Kevin Lyne, le créateur de BioShock. Alors moi celui-là, par contre, il m'inspire mais pas du tout. On a revu une super vidéo de Dragon's Dogma 2. Mmh. On a revu du Rise of the Ronin, moi qui me fait de l'œil. On a bon le remake d'Until Dawn, OSEF 2000 pour moi, mais bon, on a vu aussi un super nouveau trailer de Death Stranding 2, là pareil, hein, c'est 18+++. Alors moi c'est pareil, Death Stranding. Donc sur Kojima qui nous a annoncé travailler sur un jeu d'espionnage d'action espionnage pardon sur PlayStation 5. Donc venant du papa de Metal Gear, moi ça m'a fait beaucoup plaisir et c'est enchaîné. Je dis ça comme ça, voilà. Après on en parle. C'est enchaîné la semaine d'après un State of Play spécial Final Fantasy VII Rebirth, voilà, qu'on attend exact. Beaucoup à la zombie, comme disent les jeunes. Avec l'annonce d'une démo qui a été disponible après la diffusion. Dans la foulée. Dans voilà. la foulée. Et ça, c'était une semaine après le premier State of Play Qui permet, en fait, là, à l'heure actuelle, de faire toute une partie d'un flashback, le fameux flashback dans le village natal de Cloud avec Sephiroth. Et normalement, il y a une mise à jour. Alors, je me rappelle plus de la date. Ça doit être le 21 février, je crois. Quelque chose comme... Non, c'est pas possible. Une mise à jour de quoi ? Une mise à jour de la démo où on pourra aussi explorer une partie de Junon. Oh, ça va être top. Mais elle arrivera... le jeu sort... Non, si, je crois que c'est le 21 février parce que le jeu sort le 29 et je crois que c'est le 21 qui vont sortir une partie où on pourra explorer un peu plus la région de Junon. tout cas, il envoie du lourd, du très très lourd. Et moi, j'ai très très envie de... très très envie de me plonger dedans. Alors, ma grand fan de Final Fantasy VII et qui est vraiment adoré Remake, je n'ai pas regardé exprès ce State of Play. Alors, parce moi, que, je l'ai vu, par contre. Parce que moi, je veux vraiment me préserver, je ne veux pas me faire trop spoiler. Alors, ça peut faire rire parce que quand on connaît le jeu original, mais non, justement, ce qui est bien avec ce qui était bien avec Remake et ce qui va être le cas à nouveau avec Rebirth, c'est que c'est une relecture. Donc, je ne veux pas me faire spoiler. Je sais qu'il y a près aussi de 500 morceaux. 400. 400 de morceaux de musique. Enfin, non, c'est des réorchestrations, pas inédits. Enfin, il y aura des inédits, puis des réorchestrations dedans, mais enfin. Bref, j'ai trop hâte. Pour revenir sur State of Play d'avant, on avait été un peu critique sur les. C'est vrai qu'en 2023, tous les events PlayStation qui d'habitude étaient assez tonitruants, ça avait été très inégal. Là, le State of Play du 31 janvier, je l'ai trouvé top, quoi. Ça a enchaîné très rapidement. Ah, ça a enchaîné, c'était. Non, il n'y avait pas de beaucoup temps d'annonces mort, qui me plaisaient. Ouais. Pas beaucoup de temps mort. Alors, moi, bon, beaucoup moins. Parce que je vous avoue qu'il y a eu un gros segment Death Stranding. Et moi, Death Stranding, franchement, je suis passée totalement à côté. Mais dès le départ, hein, je savais que ce n'était pas fait pour moi. On a eu un gros segment aussi sur Judas. Et alors, moi, c'est pareil, BioShock. Voilà, donc ça m'est passé au-dessus de la tête. Elle va se faire des amis. Oh. J'aurais aimé en voir un peu plus sur Silent Hill 2, histoire d'avoir encore plus peur, parce que moi qui ai très peur des jeux d'horreur, là, je sens que ça va être très, en sachant que c'est un trailer qui a été très critiqué. Attention au vase. Qui a été très critiqué par certains fans. Alors, après, c'est un trailer de combat, donc forcément, il montre beaucoup de combats. Voilà, et combat. Donc beaucoup ont même dit... Même si Silent Hill, à la base, c'est plus de la fuite que du combat, on est bien d'accord. Voilà. Mais là, en l'occurrence, s'il présentait un trailer de combat, il fallait bien qu'il montre des affrontements armés. Donc, ça donne l'impression que Silent Hill, c'est beaucoup de combats, mais en fait, non. Sur la totalité du jeu, je pense pas qu'ils en aient fait un jeu très guerrier. Franchement, je ne pense pas. Mais bon, je pense que ça, c'est une décision du marketing de Konami plus que de la Bloober Team qui s'occupe du jeu. Mais sinon, oui, moi j'ai trouvé ces événements vraiment très rythmés. Alors, c'est vrai que le Stellar Blade, là, le jeu. Ah non, il a l'air très très beau. Coréen. Au début, je vais vérifier, je veux pas dire de bêtises. Moi, il me semble que c'est coréen. Il m'intéressait pas des masses, celui-là. Et finalement, au fil du temps, au fil des trailers, je vais peut-être bien me laisser tenter. Ça dépendra de ce que j'aurai à ce moment-là. Mais il sort le 26 avril, hein. Donc ça va arriver. Vite. Ça va arriver très très vite. Et l'héroïne a une classe. Visuellement, c'est. De toute façon, on le sait. Non, par contre, c'est très très beau, hein, ça là-dessus. Ça fait quelques années, là, le comment. Bah, les Coréens et les Chinois, ça fait années, ils envoient du pâté, mais vraiment du pâté. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'ils ont digéré les codes japonais, mais visuellement, ils arrivent avec une techno. Waouh, c'est. Bah, la Corée du Sud, c'est un pays technologique. Hein. Ah bah oui, c'est vraiment très très impressionnant. Sinon, bon, bah j'étais. Pareil, Axel et moi qui attendons, on vous saoule à chaque fois avec Sonic Mania, mais à chaque fois on attend Sonic Mania 2. Là, quand j'ai vu sorte de remaster, remake de Sonic Génération qui était sympathique, imparfait mais sympathique, avec un segment Shadows dedans, bon, c'est chouette. Rien que pour Shadow, moi, ça me. Non, mais c'est chouette, mais bon, c'est. Nous, c'est Sonic Mania qu'on veut, quoi. Malheureusement, je pense que c'était juste, à mon avis, l'idée d'un fan qui a dû leur suggérer ça, et à mon avis, ils vont pas faire ça deux fois, donc pour moi. Je perds espoir, il n'y aura pas de suite. Enfin, écoute, on va croiser les doigts. Ouais, voilà globalement ce qu'on a retenu de l'actualité là ces derniers jours, mais elle bouge tellement vite que si, à l'écoute de ce podcast, la dernière info qui tabasse n'est pas dans l'émission, bah c'est que c'est tombé après, justement. Et en ce moment, ça enchaîne tellement. C'est comme la sortie des jeux. Hein. C'est dur de suivre. C'est très dur à suivre parce qu'il y en a toujours partout, tout le temps. Et ça va très, très vite. Et moi, je commence très sérieusement à avoir peur pour mon planning de début d'année. Là. Ah oui, pour Geeks by Girl. D'ailleurs, qu'on remercie à nouveau parce que Geeks by Girl est le partenaire. Le premier partenaire de l'émission. Et on les remercie grandement. Et d'ailleurs, donc Madame Maman est la rédactrice en chef du site. Et il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver. D'ailleurs, en parlant de sortie de jeu, ce qui pourrait être sympa, ce serait qu'on parle de nos jeux du mois, de ce qui nous a plu en termes de jeux vidéo. Et je crois qu'il y a des titres qu'on a envie de fortement à nouveau conseiller à nos chers auditeurs. Allez, on en parle tout de suite. Pour le débat de cette émission, nous avons décidé de parler du jeu dématérialisé et du jeu en boîte, car c'est un sujet qui revient très souvent si vous discutez avec d'autres amis gamers. Chacun prêche un peu pour sa paroisse. Il y en a qui ne jurent que par les jeux en boîte. Il y en a d'autres qui sont bien avec le dématérialisé. Nous, on a une position un peu plus contrastée, puisque ça va venir pendant le débat. On ne tranche pas à 100% d'un côté ou de l'autre, sachant que malgré tout, il faut le savoir. Alors, en préambule, le but ici, c'est vraiment de débattre de nos habitudes familiales et de les comparer avec les vôtres. Hein, n'hésitez pas à réagir. L'objectif, c'est pas de faire une analyse précise économique du démat. Il y a d'autres émissions, d'autres sites qui le font très très bien. Juste pour dire que le démat, d'année en année, grignote beaucoup plus de marché. Oui, enfin, faut dire que pour certains jeux, on n'a pas franchement le choix non plus. Justement, on va y revenir. Mais juste quelques chiffres. En France, en 2022, le marché du démat... Le marché... Dématérialisé. En 2022, en France, le marché du dématérialisé a augmenté de 43%. Et on a appris également récemment qu'en Grande-Bretagne, la part du dématérialisé représenterait presque 90% du marché. Ce qui est, moi, je trouve que c'est un chiffre qui est énorme. Alors, c'est énorme. Là, ça comprend tout. Il y a le PC, il y a tout ce qu'il faut. Donc, sur PC, on joue quasiment qu'en démat. Mais qui achète des disques pour un PC encore aujourd'hui. Depuis l'arrivée des Ça existe. Oui, mais c'est des... Bah, c'est des boomers. C'est des boîtes collector avec un code à télécharger dedans, parce qu'il y a des PC gamers avec un lecteur Blu-ray dedans. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Mais il y en a pratiquement plus. J'en vois pas. Même mais plus, bon, voilà. Surtout. C'est l'époque, c'est révolu. Les PCistes, peut-être endurcis, nous contrediront. On pourrait commencer par dire que chez nous, on joue beaucoup avec des jeux téléchargés en démat, mais aussi avec des jeux en boîte. Voilà, fin du débat, on peut s'arrêter là. Première question, c'est que est-ce que toi, Madame Maman, c'est un sujet auquel tu penses, ou t'as perdu un moment où t'as le jeu, ou est-ce que t'as une préférence déjà ? Moi, je dois avouer que je suis pas quelqu'un d'hyper patient. J'ai beaucoup tendance à vouloir un peu tout de suite. Et c'est vrai que pour moi, le démat, c'est pratique, parce qu'en fait, on a envie d'un jeu, on va sur le store, on paye, et puis on l'a. On télécharge, on l'a. Maintenant... Surtout qu'on a... Alors, je fais une petite parenthèse... Surtout qu'on a la fibre depuis une petite année, peut-être oui. Pas tout à fait un an, mais ça pas fait... loin. Oui, ça fait un an qu'on a la fibre, et effectivement, du coup, ça se décharge et là, très vite. L'achat impulsif est beaucoup plus... Encore plus facilité, pour le coup. Voilà. Et c'est vrai que, pour mon mode de consommation, c'est vrai que le démat, c'est top. Par contre, moi, ça me fait très peur, parce qu'en fait... j'adore ma 3DS, j'ai la toute première 3DS, j'ai énormément de jeux dessus, j'avais acheté... Et Bruno m'avait acheté pas mal de jeux, Monsieur Papa m'avait acheté beaucoup de jeux dessus. Et depuis que, depuis justement que le store a fermé, c'est trop triste. Et en fait, j'ai perdu les trois quarts de mes jeux. Et ça. Non, tu les achètes, tu les gardes. Non, parce que en fait, si tu veux, sur la console, t'as un certain stockage. Ouais. Quand t'as beaucoup de jeux, tu peux pas tous les garder installés sur ta console. C'est pas possible. Et donc. Tu peux les réinstaller après. Oui, mais si le shop il est fermé, tu peux plus les récupérer. Ils ont pas laissé un service pour retélécharger les jeux que tu avais vérifié ? J'ai un doute là-dessus. Moi j'ai pas trouvé en tout cas. Alors après je suis pas forcément la plus experte à ce niveau-là. C'est pas genre Nintendo, s'ils font ça, c'est horrible quand même. Mais moi je sais que personnellement, j'ai perdu pas mal de jeux quoi, et ça m'a un peu saoulé parce que c'est quand même de l'investissement. Même si on les paye, et en plus, on pourrait se dire en démat tu les payes moins cher, mais en fait, c'est même pas vrai. Tu les payes le même prix qu'en boîte. Sauf qu'en boîte, t'as ton jeu jusqu'à la fin des temps, en fait, clairement. Et c'est moi, c'est un peu ça qui me fait peur, c'est au niveau de ce temps, en fait, où le jeu va perdurer, la préservation du jeu, tout ça, tous les jeux qui vont disparaître et qu'on verra plus. Après, c'est vrai que pour les petits indés, c'est pratique, parce que pour le coup, ils ont pas le coût de le faire presser en boîte. Quand après le jeu a du succès, une édition physique arrive, mais je sais qu'il y a énormément de jeux maintenant où de toute façon on n'a pas le choix. Si tu veux y jouer, c'est que du démat. Donc autant prendre le train en marche, même si d'un certain côté moi je le déplore. Mais bon, je suis pas vraiment fixée là-dessus. Je le déplore d'un certain côté et en même temps ça me sert bien et je vais pas cracher dans la soupe non plus. Donc Je suis un peu mitigé sur ce coup-là. Et toi, Axel, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, c'est vrai que personnellement, déjà, le fait que le shop de la 3DS et de la Wii U ont fermé, qui sont pourtant deux consoles légendaires, je ne cesserai jamais de le dire. Déjà, je pense sincèrement, c'est pas le genre de Nintendo d'avoir acheté des jeux et de non seulement qu'on peut plus les télécharger après depuis le shop. Connaissant Nintendo, ce serait quand même, pour le coup, vraiment bâtard ceux qui font là. Donc, je pense que c'est clairement pas le genre. Ah, parce que tu peux encore les récupérer sur Wii, les jeux qu'on avait achetés ? Bah, depuis que le shop il a fermé ? Bah, Wii Shop, oui, toujours. Hein. Des jeux que t'as achetés, tu vas sur le Wii Shop. Bon, tu peux plus acheter de trucs, les Wii Points, bon, ils sont foutus. Hein, voilà, ils restent grave à jamais. Mais oui, tu peux toujours les retélécharger, même si tu désinstalles. Même si tu désinstalles, bah, tu peux toujours les récupérer. Oui, mais ça va durer qu'un temps, ça. Non, à l'infini. Bah, attends, je suis bien allé en 2022. Que dalle, toujours là. On va vérifier ça. C'est vrai que j'ai pas assez à enquêter sur cette partie-là, donc je pourrais pas vous dire. Non, mais moi, je vais enquêter et je peux vous jurer que si. Donc, voilà. Mais sinon, c'est pas le vrai enfin, voilà. Pour en revenir, du coup, par rapport au disque dématérialisé, je trouve quand même... Au jeu dématérialisé. Oui. Oui, parce que si c'est un disque, c'est pas dématérialisé. Ah, j'ai dit disque dématérialisé. Oui, excusez-moi, j'ai bu du cidre. Bref. donc, pour en venir au disque et au jeu dématérialisé, je pense qu'on peut pas en supprimer un des deux. Je pense, on peut pas supprimer le disque, pour moi, je trouve, parce que déjà, astuce de rat, c'est quand même moins cher, des fois. Donc, voilà, petite astuce de rat, vous connaissez. Oui, des fois, c'est moins cher, mais c'est rare, mais profitez-en. Oui, c'est très rare, hein. Bah, profitez-en, les gros rats. Bref. Bref, mais aussi, je pense que les disques, c'est quand même une base, qu'on le veuille ou non. C'est... Bah, déjà, c'est ce qui a fondé le jeu. Parce que si ça n'aurait pas existé, bah, les gens, on y ferait comment pour y jouer, c'est un peu ça qui a fondé, parce que si les disques n'auraient pas existé, et bah la Play 1, la Play 2, on pouvait dire adieu. Oui, mais voilà. Ça c'était avant, bien sûr. C'est le sens de l'histoire. C'est comme si maman et moi on voulait pas regarder de disques en Blu-ray, on voulait pas regarder de films en Blu-ray, et on se dirait non, moi de toute façon les films c'est sur cassette VHS, c'est rien d'autre. Mais le problème, c'est que pour trouver des VHS maintenant, et puis pour trouver des magnétoscopes, amuse-toi. Oui, non, voilà. Donc du coup, c'est intéressant ce que tu dis, Axel, parce que toi, t'aimes bien le disque, parce que je me posais la question si c'était pas générationnel aussi, que ceux qui ont, comme Axel, 13-14 ans, aujourd'hui... Et qui ont connu quasiment que le démat, en fait, au final. Alors, ils connaissent les jeux en boîte, mais le démat a déjà pris... une place de base dans leur vie qui est assez énorme. Et du coup, je me demandais si, justement, je pensais que toi, tu t'en fichais, mais t'es quand même attaché à l'objet boîte, en fait. Bah, la boîte, c'est important, parce que déjà, si on y aurait plus jamais de disques, et bah, les boîtes collector, y en a pas les nouvelles, enfin, qu'on le dise ou non, ça peut paraître juste une boîte, mais genre... Mais si, t'as des boîtes collector où t'as juste le code à télécharger dedans. Ouais, mais bon... T'as pas de disque, en fait, techniquement, dedans, t'as un code à télécharger, ça existe, bien sûr. Le dématérialisé, le problème, c'est que soit des fois il peut y avoir des bugs, mais bon, c'est quand même vachement rare. Enfin, au début de la Play 5, t'avais ce genre de bug où tu téléchargeais le jeu, c'était toujours bloqué, tu pouvais pas le lancer. Je me rappelle ça, il y avait ça au début de la PS5. Mais n'empêche, le disque, déjà remis que les lecteurs maintenant, bah, ils sont juste super rapides, tout simplement. Puis je sais que certains films, par exemple, ne sont qu'en disque, par exemple. Genre le film Kaamelott, il est en disque, il est en 4K et tout. Il est pas... Donc tu l'en démates aussi, mais là on parle vraiment des jeux. Oui, voilà. Enfin, en termes de jeux, je trouve le disque, on peut pas supprimer, parce que surtout là la génération, déjà la majorité c'est des boîtes et non le démat pour nous. Là, je suis pas d'accord. Ah oui, non, là je suis pas d'accord. Par contre, le démat a pris une très très grosse place quand même. Oui, pour vous. Genre pour nous, gros, à 13-14 ans, les jeux on les reçoit toujours avec la boîte. Et non en démat. Chez tes potes, les jeux auxquels ils jouent, ils n'ont pas été téléchargés directement ? Ils ont été achetés en boîte ? Enfin, des fois, on utilise autant les deux, c'est-à-dire on n'utilise pas plus le démat que le disque. C'est autant les deux. Bon, certains, c'est leurs parents qui payent, genre le PS Plus, bon, c'est bon, tu payes directement, merci. Donc, soit en fait, vu qu'ils ont le PS Plus, bien évidemment, ils n'ont pas d'argent, du coup, c'est leurs parents qui payent. Oui, des fois, ils téléchargent des trucs. Mais aussi, pour les jeux, ils utilisent autant le CD que le démat. Il n'y en a pas un qui est plus utilisé. C'est autant utilisé l'un que l'autre. Et puis moi, je pense que ça doit être comme ça, parce que le CD, c'est quand même triste à abandonner, parce que c'est un peu ce qui a fondé la base des consoles, quoi. Remarque, ça se tient ce qu'il dit, parce que quand tu veux faire un cadeau, c'est vrai qu'offrir un code, c'est quand même vachement bien moins sûr. Facile. Bien si sûr. Un jour tu veux pour un anniversaire pour un gamin offrir un jeu, forcément tu vas aller acheter l'édition physique, tu vas aller acheter l'édition boîte pour pouvoir l'emballer, que le gamin soit content et il ouvre son cadeau, tu vois. Finalement ça se tient, hein. C'est intéressant ce que Axel dit, parce que moi je pensais que comme c'est une génération qui n'a pas connu que les jeux en physique, comme nous on l'a connu une époque, je pensais pas qu'il serait défenseur comme ça du jeu en physique. Bah en fait, au final, comme c'est effectivement une partie de la population qui n'a pas de revenus, c'est les parents qui payent. Donc les parents préfèrent offrir une boîte parce que forcément, si c'est un cadeau ou quelque chose comme ça, tu préfères offrir si quelque c'est un chose code de dedans, c'est physique. pas très voilà. Pas Forcément. Ça, je pense qu'en fait, le démat, ça s'est beaucoup plus démocratisé chez les joueurs jeunes, certes, mais qui commencent à travailler. Qui ont un pouvoir d'achat. Qui ont exactement. Qui peuvent eux-mêmes, avec leur carte de crédit, acheter directement sur la console, en fait. Parce qu'une carte de crédit pour moins de 18 ans, c'est un peu illégal, quoi. Ça peut être une carte de retraite, tout simplement. Ouais, mais bon. Mais du coup, c'est vrai que c'est plus peut-être une génération de joueurs qui est plus jeune, mais qui va pouvoir commander, en fait, qui va commencer à travailler, qui n'aura pas beaucoup de charges, on va dire, et qui va en profiter pour commander. Et à ce moment-là, plus en démat, puisque du coup, c'est instantané, je pense. Je pense qu'Axel, quand il va commencer à travailler, s'il est toujours à la maison, et qu'il aura un peu plus de moyens, et qu'il aura sa console, je pense qu'Axel, il va très vite se mettre au démat. Faudrait que j'ai déjà une carte bleue et que je sois blindé, mais bref. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il est vrai qu'on croit souvent des profils, et parfois même, pas des vieux monsieur comme moi, plus jeunes, qui... Ne jure que par les boîtes, et pour eux le jeu des maths c'est Satan. On doit pas dire Satan, je pense. Chacun des deux doit être égaux. Moi je suis pour la cohabitation heureuse, en fait, puisque je suis toujours très attaché à la boîte, et c'est vrai que quand c'est un jeu moi que j'attends, que j'aime bien voir la boîte, même si maintenant on n'a plus de doc, sauf quelques exceptions récentes. Mais c'est vrai qu'en général il y a plus de doc, il y a plus tout ce qu'on avait avant. C'est Falcom qui est très très doué pour ça. Ils voilà, font avec des... toujours des belles docks là sur les Trails. Des docks, mais ouais, un truc de ouf. C'est vrai que c'est. Ça, on retrouve les docks d'époque, hein, franchement. Ça, c'est très appréciable. La chose, c'est que, paradoxalement, quand on a connu que les gens en boîte comme moi, il est vrai que quand on attend un titre vraiment énormément et que il est dispo, t'as la fibre, t'es chez toi le soir. Et t'as envie d'y jouer tout de suite. Tu dis, bon, surtout. Même si je le commande, si je vais à la boutique, je suis obligé d'attendre quand j'aurai le temps d'y aller. Même si je clique sur Amazon, pourtant on est sur Amazon Prime, hein, donc on sait que ça va arriver vite. Mais là, tu dis, tiens, ce soir, j'ai envie de jouer, j'ai envie de le découvrir, je suis à la maison. Je sais que si je le paye tout de suite, je l'ai, surtout qu'on a la fibre maintenant. Je sais que, voilà, en quelques minutes, tac, je le lance. Le temps de faire un café, hop, t'y joues. C'est vrai que c'est super... c'est super tentant. Maintenant, moi, il y a quelque chose en fait qui me, je suis profondément attaché, à l'histoire du jeu vidéo, et les packaging en font partie. Mais je suis un petit peu, je suis pas forcément aussi de ceux qui c'est la boîte ou rien. Parce que, alors c'est tout à fait un point de vue personnel, hein, voilà, libre à chacun de le partager ou pas. Mais moi, avec les années, j'ai appris à essayer parfois de pas être obtus sur cette question, puisque angle obtus, on n'est pas en maths. depuis que nous, ça va faire presque 20 ans, hein, qu'on est ensemble, tu sais ça fait 20 ans. Non, mois de mars. Oui, tu parles à quelques jours près. Comment, ah mais tu vois, je me souviens des dates d'anniversaire, donc quelques semaines presque près. 20 ans. Quand on s'est rencontrés, tu te rappelles, j'avais une collection de vieux jeux en boîte, de vieilles machines, etc. etc. Pour des raisons, tantôt financières, tantôt de place, de déménagement, j'ai été, alors pas contraint et forcé, puisque c'était ma décision, puisque pour moi, Ah oui, sur ce coup-là, je ferai juste une petite aparté, oui. Je n'ai jamais rien dit. Oui, oui. Vous allez croire que je digresse, mais ça, je vais raccrocher les wagons avec le sujet, ne vous inquiétez pas. Espèce de criminel. J'ai parfois des pièces auxquelles j'étais très attaché. Je pense notamment à beaucoup de JRPG Super Famicom en boîte japonaise et d'autres, et même des jeux plus vieux que ça encore, des jeux Mega Drive japonais et pas mal de choses, de vieilles machines. Quand on avait besoin d'argent, bah, je me suis dit, de toute façon, le budget du couple passe avant le JV. Donc, certains jeux, ça m'a fait mal, mais je les ai quand même vendus. Quand on a emménagé là où nous sommes actuellement, c'est plus petit que le pavillon qu'on habitait auparavant. J'ai donné à l'association MO5 toutes les vieilles machines qui me restaient, console, ordi, des boîtes de jeux, pas mal de matos. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, tout bonnement, je suis pas anti-matérialiste, hein, c'est pas le problème. On a des choses à la maison, vous voyez, c'est le bordel, on a plein de choses. Mais je me dis, je les emporterai pas dans la tombe non plus. Et à quoi bon avoir une méga collecte de jeux vidéo si c'est pour que les boîtes prennent la poussière au bout d'un moment? Pourquoi? Alors là, vous allez me dire, il parle de rétro gaming, ça n'a rien à voir. C'est quand même un petit peu lié. C'est que je sais qu'il y a certains jeux au début que j'ai eu en démat, parfois grâce à Geeks by Girl, notre partenaire, voilà, via Madame Maman et toute l'équipe de Geeks qu'on salue. Parfois aussi parce qu'il y a des méga promos. Et ça aussi, c'est la petite parenthèse dans la parenthèse, que ce soit sur le PlayStation Store, chez Xbox, Nintendo, peut-être un peu moins, mais ils se sont beaucoup inspirés ces dernières années des soldes monstres Steam et sur le PS Store. Mais des fois, il y a des soldes que tu trouves même pas en magasin pour les mêmes jeux en boîte. Hein. Il y a des soldes, mais de ma boule, quoi. Hein. Parfois, pour 5 euros, t'as un jeu qui a 25 euros ou 30 euros en occasion dans une boutique. Si tant est que tu le trouves encore. Voilà, et malheureusement, les boutiques qui ferment de plus en plus, d'ailleurs, c'est un drame, ne peuvent pas lutter, et c'est pas de leur faute du tout. Faut bien qu'ils se fassent une marge, déjà qu'elle est pas grande. Bref, tout ça mis bout à bout, en fait, c'est vrai qu'avec les années, je me suis dit, je m'y suis habitué, et ça me gêne pas que les deux cohabitent. Alors, il y a certains jeux, effectivement, j'aurais voulu les avoir en boîte, pour me dire, c'est vrai que là, j'adore cette série, j'aimerais bien voir l'artwork, j'aimerais bien voir le machin. Mais finalement, bon, je m'y suis fait parce que l'important, c'est le jeu, en fait. L'important, c'est de jouer au jeu. Après, je parle pas des problèmes économiques liés aux boutiques, ça, c'est encore autre chose. Et vraiment, on est du côté de ceux qui tiennent les boutiques. On sait qu'ils vivent un drame. Il y a plein de boutiques qui ferment partout dans le monde. Je sais qu'en Angleterre, aux États-Unis, c'est une hécatombe. En France aussi. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, ça cohabite. Si j'ai le choix, je prendrai que les jeux en boîte. Mais parfois pour des raisons économiques, parfois pour des raisons juste de... d'organisation. Bah, économique, pas trop, hein. Des fois, ils disent que c'est même moins cher. Ça dépend. Mais tu vois, par exemple, pour Geeks by Girl, ou quand moi, je travaillais dans la presse jeux vidéo, de plus en plus, on recevait des codes. Vous recevez souvent façon, des codes. Oui, c'est ce que j'allais dire, de toute Parce façon. Parce que c'est un moindre coût pour l'éditeur. Maintenant, les éditeurs ne fournissent plus que des codes, quasiment. Je crois qu'il y a encore Playon qui fait quelques envois, et à chaque fois, je suis super contente de recevoir une boîte de chez Playon, parce que eux vraiment ils mettent le paquet et c'est vrai que c'est souvent Playon qui nous envoie des boîtes. Mm-mm. Mais sinon je crois que j'ai jamais eu de boîte de chez quelqu'un d'autre. Square, je crois j'ai eu une boîte de chez Square. On parlait si vous avez écouté la précédente émission, voilà, j'ai parlé des JRPG de Falcom que j'ai découvert il y a quelques mois et dont je suis tombé totalement amoureux. Là les Trails par exemple, je m'en suis acheté un en boîte, il y a une super belle doc dedans. Là via Madame Maman, parce que je vais le tester pour Geeks by Girl, il y a la compile de Trails 3 et 4 qui ressort là sur PlayStation 5. Bon, bah, c'était soit je les avais en démat, soit je ne les avais pas, pardon. Et donc, je suis très content de les avoir en démat. On m'aurait laissé le choix, j'aurais préféré les avoir en boîte, évidemment, mais je suis bien content de les avoir en démat. Après, quand on peut, je vois pour Axel, pour te redonner un peu la parole, fiston. Spider-Man 2, par exemple, qui était un de tes cadeaux, on te l'achetait en boîte parce que, et c'est ce que Madame Maman disait. C'était un cadeau. C'est quand même mieux d'avoir la boîte, tout ça, quand c'est un cadeau. Si tiens, bah oui. Joyeux Noël ou bon anniversaire et que t'as un petit code. Quand t'es adulte, quand ça va. Moins... Mais quand t'es enfant ado, bon. Ça, c'est un moins de peps, quoi. Voilà, ouais, c'est quand même adulte, moins fun. Remarque, hein. Puis surtout, je pense sincèrement que si. Parce que déjà, quand même, privilégier que le matériel, déjà, parce que ça enlève. Le côté nostalgique, parce que c'est un sentiment de nostalgie, parce que peut-être dans 20-30 ans, quand on aura encore des souvenirs, on se dira, ah ouais, c'était une belle époque, j'ai vécu beaucoup d'émotions là-dessus par rapport et tout. Hormis que je trouve le fait que t'as donné truc au MO5, que je me suis dit, Enfin, je vais pas dire de propos un peu limite, mais voilà, je me dis comment il fait pour supporter une telle douleur, à croire c'est lui-même qui veut souffrir. Non, mais je voulais Donc, faire une bonne action parce que j'aime beaucoup ce que fait MO5. Et au moins, on sait que les machines, elles sont préservées. Oui, mais pour moi, je Parce qu'on trouve. n'avait plus la place et je me suis dit, au lieu qu'elles prennent la poussière, je préfère qu'elles aillent Bah, vers des gens qui vont bien s'en occuper. moi personnellement, dans ma tête, ce serait genre, bon, déjà, si j'aurais d'argent, des trucs comme ça aussi collector, même s'il prend la poussière, je les garderais toujours parce que c'est quand même des trucs, des moments, qu'on le veuille ou non, c'est on y a mis notre âme, des émotions, tout ce qu'on veut, donc ça se doit d'être conservé personnellement. Puis si j'étais par exemple youtubeur, un truc du genre, je pense que je les aurais mis dans mon décor, comme ça fait un arrière-plan comme ça, elles ne prennent pas la poussière inutilement, au moins. Peut-être elles prendront un peu de poussière, mais pas inutilement, cela dit. Mais qu'on le veuille ou non, qu'on supprime le matériel, je trouve ça. Bah, c'est horrible parce que ça enlève tout le sentiment de nostalgie, tous les moments qu'on a passés, que ce soit des trucs, ça enlève tous les artefacts. Oui, on peut appeler ça des artefacts, le fait d'avoir des boîtes genre de Super Mario World en Ah oui, japonais, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un là, artefact. attention, là, tu parles d'une époque où les jeux n'étaient qu'en boîte. Après, on peut les télécharger maintenant aussi, c'est vrai, via la console virtuelle, aussi, c'est pas faux. Mais moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais 100%. Mais après, c'est vrai qu'il y a malheureusement, qu'on soit d'accord ou pas, c'est le sens de l'histoire, de la technologie. On va de plus en plus vers du tout des maths. Et alors, Ouais, on peut être malheureusement. d'accord ou ne pas être d'accord, mais malheureusement, c'est rien ce qui s'est passé avec les services de streaming genre Netflix et compagnie. Les gens achètent moins de DVD de Blu-ray, mais continuent d'en acheter. Nous, on continue d'en acheter parce que je n'arrête pas de dire, ne croyez pas que tout est acquis parce que votre film préféré, il peut être sur Netflix pendant 2 ans, puis après, ça, c'est des droits qui se renouvellent toutes les X années. Il peut disparaître du catalogue. Donc, si vous aimez un film, une série, vaut mieux avoir comme une version boîte. Et j'ai envie de dire, pour un jeu, Bah, c'est la même c'est la chose. même chose, mais encore faut-il avoir les moyens, parce qu'une fois qu'on l'a acheté en démat, il faut le racheter en boîte. Et on parlait de préservation. Et moi, il y a quelque Alors, chose. moi, j'aimerais quand même aller Vas-y. plus loin sur Vas-y, ce vas-y. qui était avant, parce que Vas-y, pour en vas-y, vas-y. revenir à cette histoire de dématérialiser, il faut savoir que moi, personnellement, avant, je ne prenais jamais de code. Je ne prenais jamais de dématérialisé. C'est depuis que je suis chez Geeks by Girl et que les éditeurs nous envoient des codes, en fait, que j'ai commencé à jouer en démat. Personnellement, avant, j'avais toujours la boîte. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà et d'une, je trouve ça aberrant que les éditeurs fassent payer le même prix un jeu avec, enfin, dématérialisé et un jeu en boîte. Non, mais je suis Parce que d'accord. clairement, c'est pas du tout le même investissement de base. Donc déjà, moi, ça me met un peu, voilà. Et en plus, quand j'ai un code, quelque part, j'ai toujours un peu l'impression que le jeu ne m'appartient pas. Je vais le télécharger, mais quelque part, j'ai pas, voilà. Là, Like a Dragon, c'était un cadeau. J'ai la boîte, le jeu, il est à la maison, il m'appartient. Persona 3 Reload, j'ai eu un code. Bon, j'ai eu un code par un éditeur, donc je vais rien dire du tout, et voilà. Mais quelque part, j'ai toujours l'impression que c'est un prêt que l'éditeur m'a fait et qu'il peut me le reprendre à n'importe quel moment. Si Alors le store. factuellement, c'est pas le cas. Bah non. Factuellement, c'est pas le cas, C'est pas mais. qu'il va te le reprendre, c'est que si le service est coupé dans Si le X années, service est coupé dans quelques années, je vais perdre le jeu. c'est ça le Et quelque problème. part, Mais comment voilà, ça, le service, tu l'as téléchargé, il j'ai reste? un peu Point. l'impression, voilà, j'ai un peu l'impression qu'en fait le jeu ne m'appartient jamais totalement, pour le coup. C'est même pas le cas en plus. Ça Alors, t'appartient. on peut en penser ce T'en qu'on sais veut. rien? On peut en Parce que penser ce qu'on tu veut. vois à court terme. Mais on sait jamais si dans 20 ans il y a un problème et que PlayStation meurt. Enfin, tu vois, bon, là je pars sur un Dis scénario pas ça, tu vas nous porter la poisse. je pars sur un scénario Tu portes souvent catastrophe. la poisse. Comment ça, je porte souvent la poisse? Non, mais Ah, des lui, fois. n'importe quoi. Et ça se réglera après l'émission, ça. Et par une interdiction de dessert, oui, monsieur. C'est dommage, il y a des crêpes. C'est dommage, il y a des crêpes en plus. J'ai Qu'est-ce que failli je veux gerber tout dire? à Non, l'heure, mais c'est pas blague à grave. part, tu sais jamais ce qui peut se passer. Regarde les premiers stores. Alors oui, tu dis que là, oui, on peut toujours récupérer des trucs et On tout. peut toujours. Mais est-ce que ce sera toujours le cas? Parce qu'au bout d'un moment, les stocker sur des serveurs, au bout d'un moment, ça leur coûte de l'argent. Dans 10-15 ans, quand ils vont estimer que le prix qu'ils payent pour pour pouvoir donner aux gens accès à leurs anciens jeux ne vaut plus le coup parce qu'un certain nombre de personnes sera passé à autre chose et ne re-téléchargera plus, ils vont couper. Et pour si ça que dans sur la Wii, j'ai tout 20, 30, 40 ans, tu veux te remettre à la Wii et que tu veux re-télécharger tes jeux, tu pourras peut-être pas. Eh ben, c'est pour ça que j'ai pris une Asus Zora, j'ai tout dessus. Et du coup, il y a un autre truc aussi. Je trouve que c'est bien pour les petits indés, puisque du coup, ça leur enlève de la charge, ça leur permet d'être plus connus, ça leur permet d'être plus vus. Ça, je voulais revenir plus profondément après, mais voilà. Oui, ça... Par contre, moi, ce qui me choque aussi un petit peu, c'est que maintenant, parfois, même pour des gros jeux, il n'y a pas de sortie boîte. Et ça, quelque part... Selon les territoires, en plus, c'est d'autant plus frustrant. C'est ça. Et ça, quelque part, je trouve que c'est un peu limite. Parce que quand on est un très gros éditeur et qu'on brasse quand même beaucoup d'argent, parce que le jeu vidéo quand même rapporte quand même beaucoup d'argent, même s'il y a beaucoup de vagues de licenciements... Quand c'est un éditeur plus modeste, je peux comprendre ce choix. Quand c'est un indé, je comprends. Quand c'est un jeu où t'es pas sûr de toi, voilà. Et du coup, quand on voit des jeux comme, ne serait-ce que Like a Dragon Gaiden, qui a eu droit à sa boîte au Japon, et surtout Alan Wake 2, c'est un jeu triple A, et... Tu peux même dire quadruple, hein, quasiment. Hein. Ou triple S. Enfin, je veux dire, sans vouloir être méchante, Remedy, c'est pas n'importe qui. Et au bout d'un moment, bah, il n'y a pas de boîte, quoi. Donc, en fait, parfois, on est un peu pris en otage de ça, en se disant, de toute façon, on vous laisse pas le choix. Je trouve ça un peu dommageable, quand même, quelque part. Mais cependant, il y a quand même un avantage, justement, par rapport aux boîtes. Parce que si jamais, dans ton sens... ouais, peut-être qu'on pourra plus jamais recharger les jeux en démat et tout pour les jeux qui datent. Et bah, l'avantage de les avoir achetés en disque, c'est que justement, on pourra les remettre dans le truc et puis on pourra toujours y rejouer. Alors que peut-être que. Et que surtout, on pourra surtout toujours les rejouer. C'est comme la Wii et la GameCube. Genre, bah, déjà la Wii, on peut jouer au jeu GameCube dessus. Là, déjà la GameCube, oui, c'était que les disques. Donc, déjà là-dessus, on est tranquille, pour être honnête. Puis pour la Wii, par exemple, si on veut faire des vidéos sur des vieux jeux Wii, bon, déjà, je pense qu'il faut utiliser la Wii U, parce que le problème, c'est que vu que la Wii, c'est pas HD, la qualité va être nulle, quoi, donc vaut mieux prendre la Wii U, du coup, si vous voulez faire des vidéos sur les vieux jeux de la Wii. Bref, désolé, petite parenthèse, voilà. Genre, quand on voudra filmer sur un vieux jeu dans 20, 30 ans, genre, on va se dire, oh, aujourd'hui, dans 20 ans, il y a un YouTuber, il va se dire... Tenez, venez, on va rejouer à Wii Sport. Déjà, il va utiliser la Wii U parce que la qualité est quand même meilleure, voilà. Ou un émulateur. Mais émulateur, c'est pas fiable, mais autant utiliser la vraie console parce que... Ah oui, c'est mieux quand c'est la vraie console, c'est bah sûr. Bah oui, parce que déjà, tu peux mieux enregistrer tout de suite. Et puis là, il pourra y jouer, vu qu'il a acheté en disque à l'époque, il pourra forcément y jouer, il aura pas le problème de dire « Oh non, je peux plus, j'avais téléchargé le jeu et tout. » Bon, Wii Sport, il était déjà fourni avec la console, donc ça, c'est pas trop un problème. Oui, mais ça, on est bien d'accord. C'est bien ce que je dis, justement. C'est que quand tu as le jeu, tu es assuré de garder le jeu. Et ça pose un problème aussi pour des jeux plus petits ou peut-être plus confidentiels, où une fois qu'ils ont disparu des stores, si des fois, mettons, les développeurs n'ont pas gardé trace du projet ou des sources, ou que ça a été perdu pour une X ou Y raison, eh ben, tu perds le projet en entier. Alors moi, je pense que ça, c'est surtout plus imputable au modèle économique qu'à l'existence du démat, parce qu'il y a beaucoup de jeux indés, de jeux plus modestes en termes de budget, qui n'existeraient pas, qui ne seraient même pas financés, qui ne pourraient même pas être développés s'il n'y avait pas ce système de distribution. Ah non, mais on est bien d'accord que c'est très très bien. Et attends, c'est ça le truc, c'est que après, c'est la perversité du système qui fait que... Alors certes, c'est des jeux qu'on n'aurait jamais pu avoir, qui n'auraient jamais pu exister si le démat n'existait pas, mais l'effet pervers, c'est que le système fait que on n'est pas assuré de les retrouver tout le temps. Et régulièrement, quand des stores ferment, il y a des jeux qui n'existe plus, quoi. Et enfin, quand des studios ont fermé derrière, bah, tu pourras jamais les retrouver. Exactement. Donc, ça pose un gros souci pour la préservation du jeu vidéo. Mais, à contrario, c'est vrai qu'il faut toujours voir quand même le problème sur tous ces aspects. Il y a énormément de jeux chers au cœur de beaucoup d'utilisateurs, de joueurs, qui n'auraient jamais existé sans ce mode de distribution. Après, c'est l'après... justement, qui pose souci, puisque quand ces jeux disparaissent, bah là, y a un gros souci. Et j'aimerais, avant d'oublier, me faire l'avocat du diable, mais un jeu que tu as en boîte, en disque, je suis désolé, tu n'es pas assuré, même si ta console fonctionne, que tu pourras toujours y jouer. Oui, parce que si ta console tombe en panne et qu'il n'est pas compatible sur notre génération... Non, c'est même pas que ça. C'est même pas ça. Donc, t'as certains jeux, t'es obligé d'être connecté, mais surtout, et ça, c'est la perversité du système depuis quelques années, tu as des jeux qui ont besoin de patch pour bien fonctionner. Moi, je ressors toujours cet exemple, et c'est parce que pour moi, il est tellement frappant, de The Evil Within. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est sur PS4, Survival Horror. Oui, je te l'avais offert, je crois, je me rappelle. À l'époque, tu me l'avais acheté et via Amazon, et je l'avais reçu 3 jours avant sa sortie. Parce qu'Amazon, à l'époque, d'ailleurs, ils le font plus. Hein, mais oui, ça y est, c'est fini. Voilà. Ça. Mais parce que ça a bien gueulé. Mais je l'avais reçu 3 jours avant. Je lance le jeu. J'avais des phases de jeu qui étaient limite à 10 FPS. Il y avait des phases qui étaient injouables. Pourquoi ? Parce que le jeu, comme tant d'autres, avait besoin d'un patch day one pour fonctionner à peu près correctement. Bon, je me dis, quelqu'un qui, dans le futur, s'achète une PS4 d'occasion, The Evil Within, d'occasion, si derrière l'éditeur The Evil Within a fermé, je parle même pas de PlayStation, mais si l'éditeur a fermé l'event, qu'il n'y a plus de serveur, qu'il n'y a plus de patch, tu te retrouves avec un jeu injouable. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir non plus, c'est que tu peux avoir les jeux en boîte. Si t'as le malheur de pas avoir le patch téléchargé sur ta console, t'es comme un idiot devant ton jeu. Alors, ça c'est un autre débat. L'autre débat c'est... qu'un jeu des maths. Oui. Après... Normalement t'as les patchs qui vont avec. L'autre débat, effectivement, enfin l'autre question que pose cette réflexion... C'est la propension que prennent les éditeurs à vouloir absolument sortir des jeux pas finis. Et ça c'est problématique, aussi bien pour les consommateurs que quand tu payes un jeu 80 balles, qu'il arrive et qu'il est pas complet parce qu'il faut que t'attendes 4 ou 5 patchs avant que ton jeu il tourne à peu près correctement, c'est compliqué. Bah c'est vrai, c'est dur, mais bon après, malheureusement, le monde impose certaines choses, quoi. Mais oui, mais alors que... ça, justement, c'est compliqué. Enfin, je veux dire... C'est compliqué, mais c'est la vie. Mais avant, les jeux, ils sortaient, ils étaient finis. Parce que le jeu vidéo est devenu un marché de plus en plus énorme. C'est le premier marché... Et parce que les gens ont de plus en plus la flemme. Non, c'est pas ça du tout. C'est que c'est un marché, maintenant, qui pèse tellement lourd en termes de commandes, en termes financiers, que les équipes, très souvent, sont pressées, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, avec tous les désastres humains que ça crée. Tu as très souvent des jeux où même l'équipe va cruncher de fou et n'aura pas le temps de finir, mais l'éditeur veut sortir son jeu coûte que coûte. C'est tout le modèle économique qui est à revoir, en fait. C'est la production à tout va. Peu d'éditeurs comme Nintendo, parce que Nintendo c'est un éditeur mais aussi un constructeur de consoles, eux, en tout cas c'est leur discours, ils laissent les équipes terminer les jeux parce que la philosophie, d'ailleurs il s'inspire de la philosophie de Shigeru Miyamoto qui lui a toujours dit je préfère un jeu en retard qui sort en retard qu'un jeu qui est mal terminé. Et le fait est que regarde Super Mario Wonder. Non mais les jeux Nintendo ils sont toujours terminés y a au cordeau. Aucun patch. Le problème c'est que c'est pas imputable aux équipes qui font ces jeux. Je pense que ce sont les premiers à souffrir de ça quand ils voient leur jeu se faire défoncer. Non, je parle bien des éditeurs. Donc, on est bien d'accord. Oui, on est d'accord. Mais oui, avant, moi je me souviens, quand avant le démat, t'achetais ton jeu en boîte, c'était même pas négociable qu'il y ait l'époque où les consoles n'étaient même pas connectées, donc t'avais pas de patch pour sauver, c'était pas négociable que ton jeu te bloque au bout d'un moment, parce que les gens ont acheté le jeu, la seule façon c'était d'acheter une nouvelle édition du jeu, quoi, enfin une nouvelle édition mise à jour, c'est-à-dire que si le programme était pété... C'était Master, des millions de joueurs qui ne pouvaient pas jouer au jeu et c'était une catastrophe industrielle pour l'éditeur en question. Avant, effectivement, tu t'achetais ton jeu, même si certains peut-être avaient des petits bugs bloquants ici et là, mais entre joueurs et dans la presse spécialisée, ça tournait, on savait ce qu'il fallait éviter. Ton jeu était fini de A à Z, tu avais tout le contenu, tu avais tout. Parce que le côté pervers du démat aussi, c'est que tu as les jeux qui ne sont pas. Tout le contenu qui est prévu n'est pas disponible dans ton jeu à 80€. Ils ont prévu des petits DLC, si ce n'est des season pass, etc. Bon, là, on peut aller loin là-dessus, mais C'est vrai que c'est un le modèle économique, le modèle de distribution du DMAT a des répercussions tentaculaires, que ce soit d'un côté économique ou sur nos habitudes de joueurs. C'est-à-dire que là, tu vois, on parle de cette merveille, et c'est pas ironique, hein, vous savez que je suis fan de la saga et le Yakuza 8, enfin Like a Dragon, Infinite Wells, qui est une merveille absolue, je suis en train de faire en ce moment. Bon, bah, c'est un jeu qui a un contenu déjà gargantuesque, hein, d'une bonne centaine d'heures au minimum, quoique je ne sais pas, j'ai pas fini le jeu, donc je sais qu'il a été annoncé comme encore plus grand que le précédent. Bon, il n'y a pas besoin d'un New Game Plus pour en profiter, puisque le jeu est déjà énormissime en termes de contenu, mais on a appris que Sega allait faire payer le New Game Plus. Alors ça aussi, je trouve ça un peu limite. C'est même pas un peu limite, carrément... C'est illégal. C'est pas illégal, ils peuvent, mais c'est scandaleux. C'est dégueulasse. Faut dire les mots, c'est dégueulasse. C'est décrasseux. C'est scandaleux. Et là, c'est pas imputable à l'équipe elle-même. C'est bon, c'est les gars dans les bureaux de Sega qui ont dû dire, tiens, on va se faire des brousouf en plus, surtout que le jeu démarre du feu de Dieu et on s'achemine, je pense, vers l'épisode le plus vendu de la saga. Donc, bon, du démat arrive beaucoup de dérives, et pour ce que j'ai dit tout à l'heure, attention qu'on se méprenne pas, je ne préfère pas le démat aux boîtes. Moi, en plus, je suis un vieux de la vieille, donc moi, je suis très attaché à la boîte. J'ai des souvenirs liés à des boîtes de jeux qui sont extraordinaires, mais je ne suis pas pour être tout dans l'un ou tout dans l'autre. J'essaie de pas être trop caricatural. Pour moi, chez nous, les deux cohabitent, en tout cas. Oui, bon, j'avoue que, clairement, avant, j'étais que boîte, parce que j'aimais bien avoir mes moi boîtes aussi, et moi tout aussi, ça. J'ai le choix, je préfère la boîte. Maintenant que avec Geeks, j'ai un peu goûté au démat, j'avoue que des fois, quand j'ai pas envie d'attendre, oui, effectivement, je vais aller sur le store, je vais me prendre mon jeu et basta. J'avoue. Mais je pense que même vous, derrière soit votre écran, si vous nous regardez en version vidéo pour les patriotes, ou si vous nous écoutez en audio, mais derrière vos oreillettes, je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois, même pour ceux qui sont les plus extrêmes de la boîte. On est, je sais pas, imaginons un soir de week-end ou un soir de semaine même. Il pleut à verse, ou il fait froid, on n'a pas envie de sortir. Le magasin est fermé. Il y a le jeu que vous attendiez, mais genre comme le Messi, vous le voyez. Comment ça, là. Comme le Messi? Comme le Ronaldo, ouais. Comme le Ronaldo, si tu veux. Eh, les gars, votez Ronaldo, attendez. Meilleur que Messi. Là, vous dites, j'ai une soirée devant moi, ou je suis en week-end, ou j'ai un jour de repos, ou demain c'est férié, que sais-je. Votre jeu préféré est là. Bon, vous avez les moyens, vous avez un petit peu de sous sur le compte, vous allez vous faire plaisir. Ou le faire plaisir, peut-être aussi, à votre conjointe, à votre enfant. Si vous n'êtes pas célibataire. À un copain qui est là, qui est fan comme vous, je ne sais pas, d'un jeu de baston ou d'un jeu de foot qui vient de sortir. Faut avoir des potes. Je pense qu'on a tous, à un moment donné, tout simplement, le jeu que vous attendiez, comme pas le permis. Ronaldo. Voilà, comme le Ronaldo. Et j'ai failli le dire, mais je me suis retenu. En fait, il est pas disponible en boîte. Et là, de toute façon, vous avez pas le choix si vous voulez y jouer. Miskine. C'est ça aussi. Et après, c'est vrai que je voulais revenir là-dessus, mais remarque, Madame Maman en a déjà pas mal parlé. Ça a permis à des pépites, à des jeux plus modestes d'exister. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire merci le démat. Ça a même mis en avant des créateurs. Ça a révélé des créateurs de génie, des studios géniaux qui aujourd'hui ont pignon sur rue et qui continuent de nous régaler. Ça a créé beaucoup aussi de désillusions, effectivement, mais... Mais bon, ça limite quand même les coûts ça limite la catastrophe quand tu sors un jeu uniquement en démat, s'il n'est pas trop vendu, ça limite quand même. On retrouve, grâce au démat, on retrouve cet esprit garage qu'il y avait dans les années 80. Moi qui ai connu humblement cette période où quelqu'un comme un Eric Chahi, par exemple, pouvait développer son jeu chez lui, dans sa chambre, arriver avec sa disquette chez un éditeur, et il y en a plein qui se sont fait connaître comme ça. Là, maintenant, on voit des gens qui soumettent leur jeu à Steam, par exemple, qui le font chez eux et qui se font remarquer. J'ai même dire mieux, sans aller voir Steam ou sans aller voir un éditeur, on en voit certains qui font leur petit jeu chez eux, communiquent sur les réseaux sociaux, mettent à dispo une démo téléchargeable sur itch.io ou ailleurs, ou sur leur site perso, je ne sais pas. Il y en a qui ont percé comme ça, grâce au mode. Et là, ils n'utilisent même pas les canaux commerciaux traditionnels. C'est juste grâce à Internet, mais ça reste du dématérialisé, qu'on le veuille ou non. Et ça permet à... Vous pouvez avoir un futur chez Guillermo Miyamoto, quel que soit son pays, qui est dans sa piole ou chez lui, qui peut demain émerveiller le monde entier qu'une idée géniale, parfaitement exécutée. Bon, ça, sans la distribution en réseau, ce serait impossible. Alors, ou plus compliqué, en tout cas. Et d'un autre côté, là où on voit qu'il y a quand même de la demande pour la boîte, parce que c'est quand même un objet dont beaucoup aiment encore pas mal, c'est que... Mais comme nous, hein, je tiens à le préciser. C'est que t'as des éditeurs qui se sont spécialisés dans le fait de sortir en boîte des jeux qui n'existent pas. Là, par exemple, Just for Game sort régulièrement des éditions collector de jeux qu'on ne trouve pas en physique. Je dis Just for Game parce que... Il y a Limited Run aussi, Limited je crois. Run aussi. Il y en a certains... Non, mais ça, c'est... Ou des rééditions de vieux classiques. En... Mais ça, c'est super. Et du coup, ça permet quand même d'avoir... Bon, après, c'est... Oui, c'est des éditions collector qui coûtent relativement cher, mais si c'est un jeu que vous aimez d'amour, pourquoi pas, je veux dire. Bah, j'ai parlé dans cette émission... Et en plus, s'ils le font, c'est quelque part, il y a de la demande. J'ai parlé dans, dans un ancien épisode de... que j'ai attendu 2 ans d'ailleurs, c'était chez Limited Run d'ailleurs je crois, mon pack collector qui compilait les Turrican, qui sont des vieux jeux 16 bits, Amiga et console, et dans une version boîte qui titille l'ancien comme moi qui avait ces jeux là en boîte, d'ailleurs j'ai toujours ma boîte de Turrican 2 ici, Amiga d'époque, et ça pour moi c'était merveilleux, c'est des sensations extraordinaires. Mais là, effectivement, pour ce type de marché-là, il faut avoir le budget, il faut avoir la place à la maison. Et voilà, moi, je pense que ça, c'est bien ciblé sur vraiment ses jeux préférés. Peut-être pas tomber dans la collectionnite inutile, parce qu'on en connaît aussi qui les cumule et puis ça prend la poussière. Et, Moi, je t'avoue, je me serais bien laissé tenter. Là, Just for Games a sorti un pack collector pour Sea of Stars. Et j'avoue que Sea of Stars, je me serais bien laissé tenter quand même. D'ailleurs, on salue Gamol, hein, fidèle éditeur et Patreon, qui a découvert Sea of Stars grâce à l'émission. Et vous a-t-il dit sur X. Et vraiment, ça nous fait choqueur parce que nous, si vous avez en plus entendu nos dernières émissions, puis nos Golden Awards, l'émission précédente. Il a eu des prix. C'est un jeu qu'on aime énormément. Et déjà, alors Gamol, merci pour la dédicace. Merci pour ton soutien sans faille et tes partages sur les réseaux sociaux aussi. Ça, c'est très important. Et on te remercie vraiment beaucoup pour ça. Et on est très heureux que tu aies découvert le jeu grâce à nous. Et donc, justement, Gamol est passé à acheter donc cette... vous pouvez voir sur son compte Twitter, @ Gamol, G-A-M-O-L, et 2_, 2 traits du bas, si je dis pas de bêtises. Le petit trait du bas, comme on l'appelle. Il nous montre de belles photos. Effectivement, il a commandé cette édition. Et je suis très jalouse, Gamol. Je suis très, très jalouse. Ah bah parce que franchement, il est vraiment très beau. J'ai bien hérité de toi. Si Just for Game veut nous envoyer le jeu, il n'y a aucun problème. On n'est pas vendu. On a déjà dit que le jeu était formidable. Ça n'arrivera pas. Donc, bon. Déjà, je suis sur le dossier Poltron et Sofa et les pattes des Kekos. Voilà, je croyais que tu étais sur Barry, là. Moi, voilà, sur Barry, ça n'arrivera pas. Sur Barry, là aussi. Fini. Donc... Bref, en tout cas, oui, non, ça, c'est vrai qu'il y a aussi ce marché-là. Mais là, après, on est, effectivement, c'est pour ça que ce que je disais, c'est qu'on a un avis nous contrasté. Le but, c'était de parler de nos habitudes à la maison pour, parler un peu plus largement de ce sujet-là. Mais je pense très concrètement qu'on ne peut pas dire, je suis, le démat jamais, non, la boîte jamais. Je pense que les deux marchés ont des côtés positifs et alors des côtés négatifs à la boîte, j'en vois pas beaucoup parce que bon, la boîte techniquement c'est ce qu'il y a de mieux. Le côté négatif de la boîte, c'est que maintenant, tout comme le démat, maintenant c'est le strict minimum. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Avant, t'avais la boîte, t'avais la jolie notice à l'intérieur, t'avais des petits trucs, c'était sympa. Là, maintenant, tu ouvres, il n'y a rien dedans, il y a le CD, quoi, c'est tout. C'est un peu dommage. Cold of Steel... The Legend of Hero, oui. Trails of Cold Steel. Trails of Cold Steel, donc le 2, celui-là, je l'ai en boîte. J'ai été étonné de voir la doc comme à l'époque, en couleur, traduite. J'avoue que même moi, je l'ai lu. Magnifique. Moi, j'ai des souvenirs de doc, d'ailleurs, je les ai encore, hein. La doc française de Super Mario World. D'ailleurs, sur l'une des anciennes émissions en vidéo, je l'avais mise sur la table, il est tard, excusez-nous. Aussi, j'ai ma doc japonaise d'époque de Street Fighter 2 sur Super Famicom. Enfin, J'ai plein de docs qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai encore. Moi, j'ai des souvenirs de boîte sur Amiga. Ceux qui me suivent connaissent aussi mon amour pour, pour Shadow of the Beast. Vous achetiez, pardon, les jeux Psygnosis, Shadow of the Beast. Vous aviez une boîte, comme ça. Vous aviez un t-shirt avec une illustre absolument fantastique de Roger Dean. Vous aviez un t-shirt dedans. Enfin, vous aviez des trucs. C'était l'édition normale, hein. Il n'y avait pas de collector, hein. C'était cette édition-là, voilà. On a tous des souvenirs de boîtes. Alors moi, je suis très attaché aux boîtes Super Famicom et donc la Super Nintendo japonaise et les boîtes Mega Drive aussi japonaises que j'aime beaucoup. On a tous des souvenirs, mais c'est vrai qu'ils nous ont petit à petit déshabitués. Déjà, notamment avec les trois quarts des jeux qui n'ont plus de dock. Déjà, ça, c'était un peu le drame absolu. Et effectivement, et c'est vrai que même des docks numériques, des mini artbooks numériques dans le jeu, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose que d'avoir son petit livret. Ah non, clairement. Alors ça, par contre, le coup des artbooks numériques ou des trucs numériques à feuilleter avec ta console, enfin, avec la manette. C'est très frustrant. Oui, parce que j'aime pas du tout, moi. J'arrive pas à m'y faire. Et je les regarde jamais, du coup. Quand c'est des arts qu'on adore, ou des. Moi, je sais que j'ai, par exemple, sur des vieux jeux Capcom, Sega, il y a des dessins préparatoires, des arts. J'adore, moi, ça. J'adore tout ce qui est. La documentation qui montre le développement d'un jeu, j'ai toujours adoré fouiner là-dedans. Et quand je les vois sur mon écran, c'est génial. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais l'avoir dans un bouquin. C'est à la fois fascinant et frustrant parce que tu dis, j'aimerais l'avoir quand même dans mon. Feuilleter ça dans mon coin. Alors il y a des ouvrages qui existent, hein, on peut le faire, bien sûr. Mais je me dis, j'aurais aimé que ce soit dans une boîte du jeu avec un petit livret, avec un petit. Bon, après. Et comme je le disais, quitte à radoter, il y a des réalités économiques, il y a le marché qui évolue. Après, c'est comme tout, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Et je me dis, bon, le démat, rien que pour les jeux qui n'auraient pas pu exister autrement et qui sont merveilleux, bah heureusement, moi, la perte du jeu en boîte, moi, je pense surtout à ceux qui tiennent des boutiques de jeux vidéo, notamment des boutiques indés, ou même les grandes chaînes, hein, parce qu'il y a des employés derrière, il y a des passionnés aussi. Et bah, ils sont obligés de se diversifier. Malheureusement, ils n'ont pas le choix. Et de mourir pour beaucoup, malheureusement. C'est vrai que le marché en boîte, là-dessus, fait des ravages humains au niveau de l'emploi, au niveau social, hein, tout simplement. Mais non, puis il faut... Il faut reconnaître aussi que maintenant, on devient de plus en plus feignant. Et puis, il ne faut pas oublier que c'était déjà le cas avant le Covid. Mais je pense que le Covid aussi a amené de nouvelles habitudes, peut-être chez des gens qui n'achetaient pas de jeux en dématérialisé avant. Je suis certain qu'il y a énormément de personnes... Qui maintenant achètent en démat parce que finalement, c'est pratique parce qu'on ne sort plus de chez soi. Et puis, comme il y a une grosse tendance aussi... Bah, franchement, faut reconnaître, tu rentres le soir, t'es crevé, t'as pas envie de sortir, t'as pas envie d'aller faire les magasins, il y a du monde, il y a du bruit, il fait froid, il fait moche, enfin, tout ce que tu veux, quoi, n'importe quelle excuse qui soit, tu te poses devant ta console, t'as ta carte de crédit à côté, et tu prends ton jeu. Et tout le monde n'a pas la chance aussi de vivre à côté de commerce, de... Exact, il faut voir aussi que là, maintenant, la plupart des gens s'éloignent des grandes villes et donc n'ont pas toujours un magasin de jeux vidéo à côté. Ça, il faut le voir aussi. Pour quelqu'un qui a une connexion internet pas trop toc, mais qui habite, je ne sais pas, en région, et s'il doit faire une heure et demie, deux heures de voiture pour s'acheter un jeu, bah, je peux comprendre que la personne en question préfère se mettre sur son canapé, même si sa connexion internet est pas top top, au pire, il prévoit quelques heures avant, il met à télécharger, il fait autre chose, et puis le soir, il a son jeu. Bon... ça peut se comprendre aussi. Ah non, mais tout à fait. Hein. Moi, c'est pour ça que moi, j'aime quelque chose qui se perd beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, hein, je le déplore, hein. C'est la nuance. C'est-à-dire que, pour moi, on ne peut pas dire que un côté, c'est le diable, et de l'autre, c'est la perfection. Non, c'est que selon son budget, sa façon de vivre, la façon où on vit, son mode de consommation de jeu... Eh ben, il y a des choses à prendre en compte, malgré tout. Son budget, le jeu, je le répète encore une fois, le jeu en boîte et le jeu en démat, quand il vient de sortir, c'est le même prix. Oui, moi, je parle des soldes, surtout. C'est que... Oui, d'accord. Non, mais nous, on est d'accord. Ça nous est arrivé, des jeux qui... Avant que tu reçoives des jeux par pelleté pour les tester pour Geeks by Girl, il y avait certains jeux qui sortaient qu'on pouvait pas s'acheter, on pouvait pas tous acheter à la sortie. Quand tu vois que quelques mois après... tu as des soldes à 35, moins 50% sur le PS Store, bah, ça fait plaisir. Alors qu'en magasin, il reste encore assez élevé en termes de prix. Donc ça, pour les plus patients, si vous attendez un an et demi, bah, y a des jeux qui limitent, vous les payez, mais trois fois moins cher, si ce n'est pas plus. Donc, et puis si c'est un jeu en plus que vous attendiez et qui n'a pas eu un grand succès commercial, alors là, c'est le jackpot. Hein. Là, vous pouvez le récupérer pour pas trop cher. Donc effectivement, dans un monde idéal, on gagnerait tous des super payes, on achèterait tous 10 jeux par mois à 80 euros, mais moi, c'est pas le cas. Donc il faut peser le pour et le contre. Mais et dans un monde idéal, moi, je n'aurais que des jeux en boîte, effectivement. Mais le monde n'est pas idéal, justement. Il faut composer avec un tas de données, parfois, qui nous échappent. Est-ce qu'il y a un point que vous vouliez peut-être encore préciser sur le Axel, sur le excuse-moi de te réveiller pendant la sieste, oui. Sur le démat? Non, j'ai rien d'autre à dire. Non, mais c'est bien. Je trouve qu'Axel, moi, tu vois, je me disais. Moi, j'étais persuadé qu'il était pro démat, moi. On n'en a pas trop discuté avant exprès parce que pour vous, c'est un peu la surprise de son opinion là-dessus et. Lui, venant d'une génération, le démat avait déjà une grande place quand il a commencé à jouer. Je pensais que ça allait. Oui, que ça allait couler de source. Oui, limite. Voilà. Et tiens, pour finir, je pensais aussi le démat, c'est vachement bien aussi pour casser la spéculation parfois complètement honteuse sur le rétro gaming. C'est-à-dire qu'il y a des jeux. Moi, je prends l'exemple de Castlevania Symphony of the Night. Qui avant qu'il soit disponible en démat, je crois que la première fois qu'il est arrivé c'était sur Xbox 360 et maintenant on le trouve partout en démat, puis dans des compiles, tout ça. Et il y a d'autres jeux aussi, hein, pas que lui, Radiant Silvergun et plein d'autres, des jeux qui étaient connus, en tout cas pour ceux de ma génération, pour être très très chers en boîte, hein, c'était dans l'ordre de 200 euros en boîte, etc. Bah d'acheter ce jeu-là 15 euros en démat, ça fait chuter quand même pas mal la spéculation et surtout il y a certains jeux parfois qu'on n'a jamais eu, nous, ou qui sont introuvables, qui n'existent même plus, en fait, en physique, ou alors à 4 exemplaires dans le monde, bon, je caricature, mais et que certains éditeurs, pour les fans, ressortent parfois en commande des maths, et ça permet d'avoir accès à un pan de l'histoire du jeu vidéo qui était inaccessible, ou alors, sauf par l'émulation, mais là, de manière légale, et alors, même si on ne sait pas si dans 20 ans, tu auras toujours accès à ce jeu-là, mais au moins, en attendant, bah, tu l'as découvert, et bon... Donc, il y a quand même, quand on est fan comme nous de rétro gaming aussi, il y a quand même des... Bon, mais il y a des avantages, c'est sûr. Il y a des avantages aussi, et des inconvénients. La vie n'est pas blanche ou noire, la vie est grise, et il y a des nuances. Voilà. Moi, je suis très attaché à cette notion de nuance. Et je pense que là, ça colle tout à fait au débat du jour. Bon, eh ben, la familia, je pense qu'on a fait le tour de ce débat. Est-ce qu'il serait pas temps de célébrer le grand retour, vu qu'on ne l'avait pas fait, parce que c'était une émission spéciale, hein, la fois précédente, de relancer notre grand jeu Family Back. Ça va être beau. Préparez une feuille et un crayon chez vous, le baccalauréat du jeu vidéo, des lettres. Catégories liées aux jeux vidéo, des mots à trouver, de la joie, de la bonne humeur et de la rage et des rires aussi. C'est à vivre tout de suite après ce petit jungle. À tout de suite. Donc le Family Back, Madame Maman, peux-tu nous rappeler avec un air enjoué, s'il te plaît, les règles ancestrales du baccalauréat, mais précisément du Family Back? Eh ben, ce sont les mêmes règles que le baccalauréat traditionnel. Nous avons 5 catégories. Pardon, excusez-moi, il faut que je recompte. Donc, il faudra, avec notre superbe roue créée spécialement par moi, il faudra trouver donc par lettre un titre, un terme de jeu vidéo, un personnage ou une créature, un studio ou un éditeur et un lieu. Voilà, donc prenez vos crayons, prenez vos stylos. Alors, plumes. C'est parti pour l'autoroute de la connaissance. Pour ceux qui joueront avec nous, si vous avez la même réponse que l'un d'entre nous, ce sera un point. Si vous avez une réponse totalement différente qu'aucun d'entre nous n'a donnée, ce sera deux points. Et si vous ne trouvez pas, ce sera zéro point. Logique. Voilà. D'ailleurs, on en est où au niveau des points? Alors, au niveau des points, attention, c'est... Bon, de toute façon, c'est Monsieur Papa qui domine. Clairement. Il s'est drogué à la pop culture. Clairement, oh, c'est clairement, beau. Monsieur... Oui, c'est vrai. Monsieur Papa est à 55 chef, points. Suivi derrière par moi à 39 points, mais je suis talonné par Axel qui, lui, est à 33 points. Donc, j'ai intérêt à booster un peu le truc. Je suis nul, bon, je suis pas sûr que Monsieur Papa, on va le rattraper, hein, clairement. On sait jamais, un crash en direct. Ah, des fois que. En fait, il faut que je le drogue avant. Comme ça, je vais pouvoir. Chef, arrêtez de vous doper, c'est pas bien. Donc voilà. Respectez donc. Eh bah tiens, Axel, toi qui dis des choses, vas-y. Lance la roue. Spin to win. Alors, ce sera un T. On l'a déjà fait le T, hein. Le T, est-ce qu'on l'a déjà fait? Bonne question. Moi, je suis sûr, oui, on l'a fait le T. Bonne question. Et pas... On a fait le S. On a fait le H, on a fait le B, le A, le F, le I, le J, le P. Ah oui, on a fait le T, effectivement. Ah oui, je m'en souviens. Allez, parce que autre. J'ai sorti mon Turrican d'amour. Vas-y, relance. Et Toki aussi, je crois. Ah non, c'était un seul. J'ai jamais dit. Ah, c'est pour les personnages. S, on l'a fait aussi. Oui, on commence à faire beaucoup bah de... Bah oui, bah c'est le jeu. Hein. Q, ah bah ça, on l'a pas fait, par contre. Oh là, ça va être... Alors, attends, oui, il y a le... Alors, le compte à rebours. Le compte à rebours. Donc, je sors ma montre technologique. Alors, la montre de tout. Faut juste que je trouve. Hein, vous inquiétez pas. Minuteur, une minute. Je suis prête. C'est quand vous voulez, messieurs. Alors, à 3. 1, 2, 3. Bah, temps est écoulé, messieurs. Moi, j'en ai qu'un. Hein. Moi, j'en ai que deux. Quatre. Par contre, sur celui-là, j'en ai trois des réponses. Ah, t'en as droit ou t'en as deux? J'ai pas compris. Non, j'ai que le titre. Mais par contre, j'ai trois titres. Mais ah, d'accord. Pour le reste, j'ai rien du tout. T'avais trois titres en stock, en fait. Ah, c'est ça. Moi, j'ai un deux de choc. Bon, bah, commencer par Axel. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Axel, pour le titre? The Quarry. Bravo! Alors, c'est The Quarry, pas Quarry, hein. Ouais. Bah allez, on va te l'accepter, parce que c'est quand même super. C'est bien. Oui, voilà. Non, Quarry, c'est très bien, j'y avais pensé aussi. Moi, j'aurais pensé que tu aurais, mis Q-Bert. Pas du tout. Ah bah ça pouvait te faire un personnage, ça tient. Oui, mais j'ai trouvé un... Mais le nom de jeu, c'est Q-Bert aussi. Mais j'ai un autre nom pour personnage, mais oui. Donc là, ça me fait... Alors attends, donc t'as mis Q-Bert, toi, et moi j'ai mis... Bah en fait, j'en avais deux, j'avais Quake ou Quackshot. Ah, Quackshot, pourquoi j'y ai pas pensé, zut. Je connais même pas. Mais si, le jeu avec Donald, avec les ventouses. Voilà, oh j'avais Quackshot, c'est tout pour moi. Mon premier jeu import sur Mega Drive. Voilà. C'est tout pour moi. Donc deux. Deux chacun. Deux chacun. Alors, au niveau des termes, vous avez quelque chose ou pas? J'ai rien trouvé. Que dalle. Ok, donc zéro à tout le monde. Bah, ça c'est un terme, que dalle. Personnage ou créature. Je suis pas sûr que ça passe, hein, mais j'ai mis Quirrell, professeur Quirrell. Parce qu'il y a un peu... Joli, dans le jeu vidéo Harry Potter, exactement. Ouais, il est de mémoire, celui-là. Bravo, oui, Quirrell. Très bien exactement. Joué. J'aurais pu penser à Queue de Verre aussi, puisque c'est dans Harry Potter aussi, mais je n'y ai pas pensé. Alors, donc, Axel, ça fait deux. Chérie. Quijibo. Non, moi, j'ai pensé à Quina. Quina. Quina. Quina. Et pas Burger. Cacador FF9. Burger Quina. Le personnage super moche. Burger Quina. Oui. Ça s'écrit avec un Q. Selon les versions, oui. Bah, on va vérifier en direct live. Hein. Burger Quina. J'étais persuadé que c'était en avec un K, moi. Non, en version française, c'est... Je vais te dire tout de suite. Je regarde quand même. Queen à Queen. Ah oui. Oui. Et pas Burger Queen. Alors ça, c'est en anglais. Elle s'écrit comme ça aussi. C'est quoi les autres... Je sais qu'il y a plusieurs orthographes, mais il y en a au moins deux avec le cul. Donc, enfin, excusez-moi. Studio ou éditeur. Alors donc deux points chacun. Oui, deux points pour toi. Et bah, après Excel. Moi j'ai plus rien trouvé. Hein, donc. Et toi Axel. Bah moi j'ai mis Casey Games, studio de Soundchips. Bravo, c'est avec un cul. Oui. Bravo. Alors là je dis chapeau. Improvisation totale. Puis j'ai le lieu aussi. Et c'est quoi le lieu? C'est un lieu de, c'est un lieu de Fortnite. Bah oui. C'est Quick Stop. Non, ça c'est un magasin. Non, Craggy Cliff, c'est une ancienne ville de Fortnite. Craggy Cliff. Je vais vérifier. Ah non, attends. Alors, Craggy Cliff, ça s'écrit pas avec... Ça peut pas s'écrire avec un Q. Comment tu l'écris? Q-R-A-2-G-Y. Q-R-A, il y a même pas de U. Q-R-A... 2-G-Y. Non, c'est Craggy, c'est C-R-A. Ah. G-G-Y. Ouais, t'as essayé, hein. Il est filoute. Ouais, il est filoute. Petit alors, filoute. Alors, ce qui fait donc 2, 4, 6 pour Axel, 4 pour toi et 2 pour moi. Alors, bah c'est bon. Je m'en suis bien tiré sur lui. Ouais, je confirme. Donc ça fait 39. Non, franchement, bravo, là, Axel. Tu m'as bluffé. Non, ça fait 41. Putain, je suis mal barré. Et Bruno, ça fait 59. Hein. Alors, comme dame, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux ou sur notre Discord de nous donner vos... Ou sur le Patreon, en commentaire, nous donner vos réponses. Vos réponses. Ah, c'est à moi. À toi de jouer. Tu peux tenir la base. Ah oui. Attends, c'est mon stylo, je tiens. Spin to win. V. On a jamais fait V. Non. Attendez, je regarde. Il me semble pas. V for Vendetta. Il n'y a pas eu de jeu V pour Vendetta. C'est dommage d'ailleurs. Ça m'en aura fait un. Non, V on n'a pas fait encore. Bon. Alors attention. 1, 2, 3. C'est parti. Non, j'ai l'air plus que le cul. Non, ça aurait trop... J'allais mettre... Alors, non. Moi j'en ai 3. Bah, c'est bah, fini, moi, hein. J'ai complètement bugué, moi. T'as 0 ouais. Non, j'ai 2. 2. Alors... Ah, Axel, vas-y, commence. Valorant. Ah, bien. Ouais. J'ai Valorant. J'ai Vanquish. Ah. Moi, j'ai Vulgus. C'est un moi, vieux shoot... Moi, j'ai Vulgaire. Vulgaire. C'est un vieux shoot Capcom. Bon, on a 2 chacun. Ah, mais ah. Je suis sûr que là, il y en a plein que j'ai pas retrouvé, mais... Terme Que dalle. J'ai pas trouvé non plus. Alors donc 0 à tous. Perso aux créatures, bah moi j'ai vie. Vie. Dans Devil May Cry. Oh ah ah bah hey, il s'appelle vie, c'est pas de ma faute. Moi j'ai faire plaisir à un moment. Vincent Valentine. Oh joli. Oui c'est vrai que j'y ai même pas pensé tiens. Alors. Bon bah moi pas d'inspi, bon ça passe quand même. Moi j'ai mis Vendetta, un skin de Fortnite. Arrête avec tes skins de Fortnite, t'en y connais rien. Bah je cherche, tu trouveras vraiment le skin. Alors 2 pour tous. Ensuite, studio éditeur. Non mais là j'ai... Non j'ai que dalle après. Eh bah studio éditeur, moi j'ai Vanillaware. Ah oh bien joué, bien joué. Mais je connais même pas. Bien joué. C'est qui eux? C'est qui eux? Ils habitent où? Je t'expliquerai, ils habitent où? Ils habitent où? Ils font quoi? Ils font quoi les parents? Et par ils contre, viennent de quel lieu, quartier? Ils viennent du 9-3. Lieu j'ai failli mettre Vice City mais... Je suis pas sûr que ça sort et ça serait passé. Bah si, c'est un lieu, c'est Vice City. Bah t'aurais pu, attends. Ah bon? Bah oui. Bah, c'est ouais. Un lieu. Moi je pensais que c'était juste le nom du jeu, moi. Mais oh, t'as perdu un point. Alors, je suis pas un spécialiste de GTA, mais je crois que c'est le nom de la ville, hein, il me semble. J'ai un doute. Moi je voulais mettre j'allais l'écrire et puis je me suis dit non, ça doit être le nom du jeu, ça m'étonnerait que ça marche. Ça c'est notre four qui Bip, tout va bien. C'est notre four, on va bientôt becter. On est des becteurs. Non, parce que ça aurait été San Andreas, oui, je savais que c'était une mais ville. Oui, alors Vice City, c'est une ville fictive dans... Je peux avoir le point. Non. Allez, bah c'est... Je l'ai trouvé. On t'en a accordé, hein. Eh, toi, tu nous accarottes déjà sur des noms de Fortnite... Qui n'existent pas, hein, Pompougne. Bon. Eh bah, du coup, je profite. Parce que... Donc, du coup, alors Bruno et Axel, ça vous fait... Alors, pense à parler 4 un peu points. Plus près du micro. Ça vous fait 4 points chacun. Ouais. Et moi, ça m'en fait 8. Oh, je remonte, c'est bon. C'est une remontada. Ouais, je suis contente, je suis contente. 8, ça me fait que 49 points, faut pas rêver. On faisait 3 mots, on avait dit, c'est ça. Vous hein. avez dit, oui. Ouais, c'est ça, on et fait vous 3 vous mots. Vous avez 4, donc ça fait 63. On fait 3 mots, et... c'est rigolo. Des mots, en veux-tu, en voilà, moi j'en ai plein, okay, et j'aime ça, ça des bon. Mots. Ensuite, des mots partout. André. Partout sur des petits papiers. Et ben jolis. Maintenant c'est à moi de tourner la roue. Allons-y. Attention, c'est parti. Spin to win. On est sur quoi là? On est sur Z. On l'a pas déjà fait Z? Oh, si, Z on l'a fait. Si, si on l'a fait Z, c'était la galère. Hey. Non, mais toi, la roue, elle a pas envie de bosser, la roue, ce soir. Tiens, est-ce qu'on a fait le K? Si, on a fait K. Kakaruto. On a fait K. S-H-B-A-F-I-J. Si, K-L-M-N-O-P. T. Si, si, K, on l'a fait. On a fait K? Oui. J'ai pas de K, moi. Si. Ah, si, oui, si, si. Si, si, on l'a très bien. Si, si, si, ah, si Axel s'en souvient, vu la mémoire robotique qu'il a. R. Ah bah si, on n'a pas fait R. Si. Il me semble. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. F-I-J-T-K-Z-A-Q-V. Non. Eh bon, bah alors, R, R. R. Alors, attention, faut mettre le minuteur. Et sinon, c'est le dernier mot. C'est le dernier mot. Du jour. Attention, ça va se fighter, les loulous. Monsieur R, il y a... 3, 2... 1, 0. C'est parti. Purée, eh, j'en ai que 3. Hein. Je suis fatigué, j'ai bloqué il sur deux trucs. Il m'en manque qu'un. Quoi ? Il m'en manque qu'un. Alors, titre. Allez-y, ouvrez le feu. Alors, Axel, en titre ? Que dalle. Que dalle ? Faut que tu parles plus proche. Hein. Tralala. Pour le montage, ça va être... Alors, t'as quoi, toi ? Resident Evil 4. Ah, pourquoi le 4 spécialement ? T'aurais non. pu dire n'importe quel Resident Evil. Non, hein. Parce que je me suis dit, si tu mets Resident Evil, moi, comme ça, je me démarque, j'ai 4. Et non, moi, je t'ai fait une dédicace. J'ai mis R-Type. Oh hey. Shoot them up, D-Rem, bravo. Yeah. Et ouais. Donc, bravo. Terme, on a le même, hein, je pense. Hein. RPG. Ouais, on a tous les mêmes. Role-playing game. Oui, bah, RPG, quoi. Donc, oh, bon, on d'accord. a tous un. Personnage. Là, j'en ai plein et ça a bouché, j'en ai sorti aucun. Donc, c'est nul. Mais... Moi, j'y mirais Quasar en Pokémon. Ah oui, bravo. T'aurais pu mettre Aphlaesia aussi. Moi, non, Rayquaza. J'aurais dû mettre Rebecca Chambers, mais... bah, moi, j'ai mis Reina dans Tekken 8. C'est mon personnage, pas... C'est mon nouveau personnage. Oh, parce qu'elle est en train d'y jouer, oh là là. Bah, oui, évidemment. Évidemment. Donc, Axel 2, moi 2. Studio éditeur. Ricola. Remedy, Remedy. Ouais, t'as mis comme moi. Moi, je me rappelle, il y a un studio de jeu mobile. Il s'appelle Rage. Donc, je l'ai mis. Mais c'est vraiment sur le jeu mobile, je te promets. Bon, allez, on va le croire. Allez, parce que ce sera pas étonnant que ça existe. Oui, hein. Oui. Je te promets, il y a vraiment sur le jeu mobile qui s'appelle comme ça. Non, nous, on a qu'un. Parce que, du quelle coup... honte, le lieu. Pourquoi j'ai pas mis Raccoon City? Ah, oui, j'y ai pas pensé mais non plus. Mais quelle honte. Mais moi, je me suis pas embêté non plus sur le lieu. J'ai pas trouvé non plus. En plus, quand t'as dit Lyon, R, pas... attendez, j'ai pensé à Raccoon City, puis après j'ai... Attendez, le lieu, je l'ai, c'est facile. Le royaume champignon. Ah oui. Ouais. Bah, aise. Mais en fait... Non, c'est royaume, là, c'est pas... Le... Mais Ah non. Mais non. Non, là, je suis désolé, c'est royaume, c'est pas... La pression... Mais ça commence par R. Ah non, là, désolé, je hurle au scandale. Mais non, là, je suis d'accord avec lui. Ah, bah non, ça passe. C'est un royaume, ça peut être n'importe quel royaume à ce niveau-là. Non. Mais non, parce que le nom du lieu, c'est le royaume champignon. Le nom du lieu, c'est champignon. Ah non, c'est le royaume champignon, c'est le nom. Ouais, je suis pas d'accord. Ah, mais de toute façon, il l'a pas noté, donc... Bah alors, si j'ai pas le point, on annule ton point pour Vice City. Parce que non, là, t'as marqué royaume champignon? Oui. Ah, oui, ah, non, bon, non bah... si, pour moi, si, c'est que dans les jeux Mario, c'est royaume champignon. C'est le nom du lieu, si. Ouais. Bah alors, on annule ton point pour Vice City, alors. Bon, bref. 2, 4, 6, 7, moi, j'ai fait 8 pour j'ai, Axel. J'ai, fait 4, j'ai encore fait 4 points, moi, en fait. T'as fait 4 points. Le 4. Moi, au total, j'ai 12 points pour aujourd'hui. Non. Bah si. Ah oui, si. 2 Resident Evil, un role-playing game et un Remedy. Temps mort. Temps mort. On a compris le temps, il est mort. Ça lui fait 8. Et ce soir, on mange du gratin. De poulet brodé. Du gratin. Dauphine. Big potatoes, big cheeseburger. No, I'm joking, it's a potato. You speak English very well, my son. Hey, yeah. But I learned the bad English. Sorry. 3. Do you speak English? 5. And I speak Espanol. Do you speak English? Hola, ¿cómo te llamas? Me hablo muy bien español. 6. Ich bin a gamer. Alors. Nosotros retrouvan en una emisión que se llama Family Pack. Oh, oh, joli, ouais, joli. Confort. Alors, confort. Bah, petit point sur les scores, messieurs, puisque nous avons fait nos trois lettres du mois. Donc, Bruno est toujours en tête avec 67 points. Je crois qu'on n'arrivera pas à le détrôner. Hein, grosse vraiment, tête. tête d'ampoule pendant le tête d'ampoule. Je suis donc derrière avec 54 points. Mais attention, puisque Axel est juste derrière moi avec 51 points. 51, non. Bravo. Oui. Bah oui, franchement, les 6 points de la première manche où j'en ai fait que 2, forcément, ça fait beaucoup de 51, mal. 51, hein. La moitié de l'âge de mamie Sylvie, bravo. Oh, elle va être contente si elle voit ça. Si elle entend ça, elle va être ravie. Mais qu'est-ce que c'est avec mamie Sylvie? Elle ne t'a rien demandé. Je précise que c'est sa belle-mère, c'est ma mère à moi. Elle ne t'a rien demandé. Ça va, c'est mignon, c'est une petite boutade. Bon, j'espère qu'en ouais, tout cas, vous vous êtes ouais. bien amusés. Nous, en tout cas, on a encore bien rigolé, comme vous avez pu le voir. Bon, on a toujours le cerveau en sauce blanche, hein, mais ça, c'est encore autre chose. C'est à cause du cidre. Pas mal, cerveau en sauce blanche, j'aime beaucoup. Elle est pas de bois, celle-là, mais... Ah, en sauce algérienne, tant qu'il y est dans le kebab. Et pourquoi on pas on va finir pourquoi en kebab. Pas. C'est très bon, la sauce algérienne. J'adore. Ah, j'ai envie de kebab, maintenant. Ah non, c'est du gratin dauphinois. C'est gratin dauphinois, gratin dauphinois. On s'en prend demain, si tu veux. Bon, et bien là-dessus, on va passer... C'est un code entre nous. On code. Va passer à la suite, juste après ce petit jingle. Ping. Ne zappez pas. Donc parmi les jeux qui nous ont occupés ces dernières semaines, alléluia, Axel n'a pas joué qu'à Brawl Stars. Alors, je suis mauvaise langue parce qu'il avait joué... Il joue à Brawl Stars quand même. Il avait joué à Spider-Man 2, oui. On en a beaucoup parlé. Arrête de faire le rageux. Qu'il a poncé... Mais c'est vrai que Brawl Stars, c'est son jeu voilà, de chevet depuis... Eh ben non, parce qu'il a changé avec son copain, figurez-vous, qu'ils ont... Enfin, Axel nous a piraté le MetaQuest 2 depuis quelques temps. Comment pour jouer à Population 1, c'est ça? Population 1, oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est quoi comme jeu? Sur le casque virtuel, donc MetaQuest, celui qu'on appelle Oculus Quest avant. L'ancien le Oculus 2. Quest par contre, 2. Par contre, parenthèse, pourquoi pirater? Bah parce que tu, il est plus en bas. C'est une expression, veux dire, gardes, ça veut dire que c'est toi qui l'a. Tu le gardes dans ta chambre, quoi. Ouais, bah il est jamais abîmé, il est toujours comme neuf. Oui. Donc c'est quoi comme jeu alors, du coup, ce truc-là? Bon bah Population One, vous connaissez Call of Duty, Fortnite et tout, ce genre de jeu, Valorant, voilà, en. Overwatch. Oui, on peut effectivement dire ça. C'est bah voilà, c'est ce style de jeu, mais en vert. Voilà. Genre bah voilà, c'est comme Fortnite, Battle Royale. Y a, c'est comme il y a le mode solo, duo, on est trio, escouade. Oui voilà, c'est bien en 4, voilà. Et puis bah le but c'est comme Fortnite, Call of Duty et tout, bah atteindre la première place. Donc c'est un Battle Royale en fait, tout simplement. Oui mais en VR. En VR, d'accord. Et tu peux construire des trucs, tu peux. Oui, tu peux construire, tu peux grimper au mur avec le bouton de grind, voilà, on dit comme ça. Avec le bouton en bas, tu sais, genre tu montes et tout, tu fais ça. Avec hop, des gâchettes. Hop, oui, voilà, les gâchettes du bas là de la manette. D'accord. Et hop, comme ça, tu grimpes. Et puis voilà. Après, tu tendez vos deux bras comme ça, comme un T, pour pouvoir planer. Ah c'est génial ça. Ah, c'est bien ça, oui c'est vraiment de la VR quoi, c'est vraiment là t'es dans le truc. Et alors du coup au niveau immersion c'est mieux qu'un Fortnite ou? Ah bah niveau immersion bon déjà faut avoir l'habitude de jouer en VR parce que sinon ils fournissent pas les sacs à vomi donc c'est sûr que. Au début ça t'a. Bah non, enfin moi je jouais déjà la VR avant d'avoir le jeu donc en soi. Bah après la VR moi ça dépend parce qu'en fait au final je m'aperçois que j'ai plus souvent de la cinétose sur des jeux console que quand je joue à la VR en fait. Enfin, t'as quand même maté un film d'une heure sur YouTube, quoi, donc j'ai envie de te dire. Sur le casque? Ouais. Non, j'étais sur Netflix, carrément. Ah, ok. Mais oui, enfin, après, c'était pas vraiment de la VR, en fait. C'était tout ce qu'il y avait autour de moi qui était en VR, c'était rigolo. Par contre, j'ai déjà testé les vidéos 360 degrés sur YouTube, et quand tu le mets dans l'Oculus, c'est incroyable. Oui, j'ai déjà testé aussi, c'est très impressionnant. C'est incroyable. Quand les montagnes russes... Oui. Les montagnes russes. Et du coup, je voulais revenir sur Population One. Est-ce qu'il y a besoin beaucoup d'espace autour de toi pour jouer? Ou Alors, dans ta chambre, t'es pas trop gêné par les meubles et tout ça? Bah, ça dépend, parce que le problème, c'est que, mettons, tu veux planer en T et que, par exemple, tu fais la typose, là, voilà, des modèles 3D, mais si par malheur, tu frappes le meuble et tu vois pas les alentours, bah, c'est sûr, ça fait mal. Enfin, c'est surtout... En soi, pour grimper, faut faire gaffe aussi, parce que si tu te mets comme ça, sur le mur et tout, bah déjà tu tapes le placard, donc ça c'est pas ouf. Mais mais en fait, c'est surtout pour planer où c'est galère, parce que si par malheur tu tapes un objet, tu tapes l'objet, tu l'abîmes quoi. Et alors pour te déplacer, c'est des systèmes de non, de c'est téléportation. Non, c'est des sticks. Et tout, oui, c'est genre, avec les sticks, t'as un stick en fait. Et t'as juste le stick droit pour tourner la caméra. Et ah oui, donc voilà. Tu ne tournes pas réellement en fait. C'est pas de la vraie VR en fait. Parce que moi, quand je suis dans un jeu en VR, quand je suis dans The Room par exemple, quand je me tourne vraiment en fait. Oui, je regarde et puis j'avance. Non, mais tu peux regarder aux alentours aussi en tournant. Ah, mais d'accord. Mais genre pour te déplacer, pour faire des mouvements de carrément. Mais dans un jeu comme ça, ce serait impossible s'il devrait se retourner tout le temps. Mais genre, tu peux regarder. Je le fais bien, tu peux regarder aux alentours comme ça en tournant la tête de. Mais toi, c'est un jeu d'aventure, lui, c'est un jeu d'action. Oui, non, mais on est bien d'accord. Et pour tirer, alors du coup, regardez. Ça se passe comment? Vous avez des armes? Vous avez quoi? Bah oui, les armes. Bah évidemment, les armes. Le pompe. Quel genre d'armes tu pourrais avoir? Je sais pas, moi, des shurikens. Ils se lancent des savates, ils donnent des coups de mule sur la tête. Bah déjà, t'as un. Ah, c'est un jeu mexicain. Hola, estoy en México. Hola, los brozos. Los brozos. Los brozos. C'est pas d'espagnol, ça. C'est un groupe, ça. Et los brozos, en tournée. Hola, chicos. Hoy, nosotros retrouvamos en una emisión que se llama Family Pack. Familia Pack, eh. Et hoy... Hoy, hablan de Population One, es un videojuego de Metaculus. Metaculus. Mais il s'en sort pas mal, hein, je trouve. MetaQuest. J'aime pas pourquoi je dis musique. Oh, bref, j'arrête. Metaculus. J'arrête. Je suis bon en espagnol. Miraculus. Miraculus. Oh. Ouais. Bon, sérieusement. Oui. Bon, oui, il y a les armes, genre les classiques, les fusils, les mitraillettes, le snipe, le pompe, voilà, on connaît tous ça. Mais pour prendre, par exemple, enfin si. T'es trop sur le décalé. Ah. Genre, il y a aussi du coup pour. Voilà. Donc pour prendre les armes, bah déjà on a un couteau obligatoirement parce que bah oui, si on est sans armes, c'est un peu chiant quoi. On a un couteau mais on peut remplacer par une qu'on appelle la cyberlame, genre une plus grosse épée où tu tapes, ça fait des gros parpaings dans la tronche, donc autant dire ça fait très mal à la tête, Mais voilà. alors ces épées-là, enfin ces trucs-là, tu les prends sur les cadavres de ceux que t'as déjà battus, tu t'as des coffres, tu les trouves, Bah tu non, les il y a pas de... craftes. Non, déjà il y a pas de craft pour commencer. Bah je Je sais pas, vais tu m'as dit que tu pouvais construire des trucs, alors pourquoi tu pourrais pas crafter des choses? C'est pas Minecraft. Bref, je peux construire des Bah. murs comme dans Fortnite. Oui, c'est vrai. Bah, je sais pas s'il y a encore l'étape d'établi sur Fortnite. Enfin, bref. Mais ce que je veux dire pas, c'est que dès qu'on a, on peut trouver des armes. Bon, sont un peu partout. C'est classé par différents niveaux de rareté. Genre une étoile, bah c'est nul. En bleu, du coup, deux Ouais, comme étoiles, d'habitude, quoi. c'est bien. C'est Trois étoiles, c'est le bien. Quatre système étoiles, c'est habituel, bien. quoi. Cinq étoiles, j'aime pas si c'est cinq étoiles. Bref. Et bon, ça, y a peut-être, mais ça doit être extrêmement rare, un truc comme ça. Y a le classique et en mode pour prendre les armes, bah, la touche de green comme ça, hop, on prend. Par contre, on n'a pas l'inventaire tout de suite rempli, du coup, on trouve des potions aussi, comme dans Fortnite pour se mettre du shield, voilà, c'est le même fonctionnement Ah, pour Fortnite. se mettre du shield, voilà, pour son bouclier. Oui, voilà, genre c'est 100 de vie et 100 de bouclier, bah c'est comme Fortnite, voilà. Oui, de toute façon, ils se sont vachement inspirés de. Ah ouais, Pardon. en fait, c'est un Fortnite en VR, quoi. Oui, Tout simplement. mais genre là, t'as pas tout l'inventaire au début. Je crois que tu peux avoir 5 places au début. Tu peux contenir que 2 armes, enfin 2 trucs. Voilà. Et après, faut trouver des sacs à dos sur la route pour pouvoir choper bah, plus de place. Parce que sinon, t'es obligé de laisser une arme par terre. Et donc. Et à chaque partie, tu récupères, tu gardes ce que tu avais trouvé ou. Bah non, Bah non, c'est. c'est le principe Bah d'un non, c'est Battle trop... ce serait Royale. trop facile. Bah non, mais Tu je sais recommences de pas. 0 à chaque fois. Alors, je vais Parce juste que pour. si par exemple ce serait le cas sur Fortnite depuis 2017, ils auraient 1 million de balles de pompe. Donc autant dire, ils pourraient bah, tu buter tout le monde quoi. Juste préciser que tu parlais tout à l'heure de Fortnite et tu as parlé aussi de Call of. Là, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui est PEGI 12. Hein. Voilà, je tenais à le Bah préciser. Fortnite c'est tout aussi. Voilà, non, mais Bon, à pas part Call les gens of. qui parlent. Pas Call of. Call of, c'est 18 ans. Donc, et les sessions, elles sont assez longues dessus. J'imagine qu'elles doivent être très courtes pour pas que ce soit Bah non, trop. en vrai c'est même pas si long que ça. Des fois, bon, autant c'est super rapide parce qu'on se fait exploser, mais c'est un détail. Autant des fois on gagne. Ouais, deux fois on a gagné, bref. Et D'accord. donc oui, c'est plutôt comment dire, c'est plutôt rapide et tout. Donc pour puis c'est bien, c'est qu'il y a vraiment des systèmes, on prend vraiment des trucs comme ça, genre pour prendre des boucliers tels que des bananes et tout, on est obligé d'éplucher la banane, on fait comme ça et tout avec les manettes et tout, et hop hop, on se met sur la bouche là, voilà, pour qu'on puisse Ouais, tu mimes les gestes en fait pour. Ouais, et genre pour ce qu'on secoue bien comme ça, pas d'esprit mal placé s'il vous plaît, on se secoue bien le bouclier comme ça, et hop, on se le met comme ça régène environ 60 de bouclier. Il y a tellement de trucs qu'on fait dans le réel du coup, et puis pour prendre des armes, on les prend comme ça, et après c'est la gâchette de droite là pour tirer, et voilà. Et donc ouais, c'est clairement le Fortnite mais en réalité Bon bah virtuelle. ça a l'air chouette, donc tu le conseillerais alors à ceux qui ont un MetaQuest. Et Bah ceux qui ont bon. un penchant pour Fortnite, accessoirement. Il Ouais. est beau le jeu au fait d'ailleurs. Ça va, ouais. Là, je vois sur l'affiche qu'il est compatible MetaQuest 3, MetaQuest Pro, MetaQuest 2, MetaQuest. Oui, en fait, c'est un MetaQuest, c'est oui, c'est. Donc il est disponible sur toute la gamme en fait quoi. Donc c'est Ouais. bien. Bah écoute, merci Axel pour cette présentation de Population. Population. Population 1. Population One. Population. C'est un free to play. On l'a Trotulation. pas précisé, c'est un free to play. Donc Voilà. donc il ne coûte rien. Et après, il y a des achats in-game, mais vous en avez pas besoin, je pense. Non, on s'en fout. Voilà. Bah sinon, tu serais venu nous demander et je t'aurais dit non. À part si j'ai mon argent de poche, que je n'ai pas. Ah ouais, est-ce que tu étais puni? Oh, les gens savent tout, ça y est. Et ben écoute, merci Que Axel. gentillesse. Donc bah n'hésitez pas sur notre Discord ou sur les réseaux sociaux, si vous connaissez ce jeu-là, à donner votre avis sur Population One. Moi, vraiment, je l'ai découvert. Bah là, quand il nous en a Et parlé, puis il hein. nous a rien dit, hein. C'était en mode. Ah non, c'est ça. On sait pas pourquoi il avait gardé le MetaQuest 2 dans Je le sa voyais jouer avec son chambre. pote à chaque fois. Je dis, mais vous jouez à quoi? Ah, Population One. Ah bon, bah Mais c'est ok, quoi ce je ne savais truc-là? pas. Donc, très bien. Heureusement, j'ai vu que c'était 12 plus. J'ai fait, c'est bon. Voilà. J'ai dit aux gendarmes, Rassurez. j'ai rappelé les gendarmes, j'ai dit, ne venez pas, c'est bon, c'est un PEGI 12. Tout va bien. Tout va bien. T'appelles les flics pour un jeu? Oui, monsieur. On pourrait. On Vous êtes pourrait. grave, monsieur. On pourrait, on pourrait. Vous fumez. Arrêtez de vous doper. Ça va, t'as fini? Non. C'est bon? Donc, Madame Maman, Alors toi, t'as joué à un gros jeu. C'est l'une des grosses sorties. Là, au moment où l'on cause de ces derniers jours. Mais en même temps, j'ai fait trois grosses sorties coup sur coup. Donc, une qui est peut-être un petit peu plus confidentielle, encore que pour moi, ça reste une sortie. Voilà. Mais. Alors, on va faire un peu de teasing. Tu voudrais parler de quoi en premier? Bah, là, t'avais prévu que je parle de quoi? De la bagarre? Ah, bah. Battez-vous, pardon. Là, parmi ceux. Parmi les deux jeux prévus de ton côté, là, pour cette émission. Alors, il y en a d'autres qui sont en cours, hein, on en reparlera plus brièvement, mais là, pour les tests, pour la critique. Ah, d'ailleurs, t'as pas mis de notes Oui, d'ailleurs, tiens, Population One, tu lui donnerais combien? Bah oui, parce qu'on met des notes, nous. 8. 8 sur 10. Ah, c'est un sacré jeu, alors. Ouais. Ouais, dit-il en. En baillant. En baillant. Je suis crevé. Il fait bailler. Il est crevé alors qu'il est en week-end et en vacances, bref. Bon, en vrai, je suis pas crevé, je suis juste un totem. Donc là, du coup, tu voulais parler du dernier test que j'ai fait pour Geeks by Girl, en fait. Voilà. Oui. Donc, oui, bagarre, donc gros jeu, là, qui est sorti il y a quelques jours. Oui, j'ai eu la chance de recevoir le test de Tekken 8. Voilà, et j'ai pu le tester. Sachant que j'avais déjà été chez Bandai Namco en fin d'année dernière pour une grosse preview. On avait pu jouer au jeu, on avait été en présence des développeurs, on avait pu jouer au jeu pendant 3-4 bonnes heures. Déjà, j'avais été hyper bluffée par ce que j'avais vu. Et en final, en fait, avoir le jeu complet m'a pas fait du tout changer d'avis, en fait. Je suis toujours hyper bluffée. Là, clairement... Alors, il y a eu une petite compétition, parce que là, c'est vrai que 2023-2024, pour les amateurs de jeux de baston, ça a été une année pharaonique avec la sortie de Street Fighter 6 au mois de juin. Plus tard, il y a eu donc le reboot de Mortal Kombat 1. Et là, c'était Tekken 8 qui fermait le bal. Et en fait, c'est Tekken 8 qui, pour moi, a tout raflé. Pourquoi ? Parce que déjà, il est extrêmement beau. Moi, de toute façon, j'ai toujours été plus une fan de Tekken que les autres, parce que j'ai toujours trouvé Street Fighter et Mortal Kombat beaucoup trop techniques pour moi. Donc, c'est vrai que Tekken, où il y avait moyen, en bourrinant un peu au hasard ses boutons, de quand même sortir quelque chose, moi, ça m'avait toujours plus parlé qu'autre chose. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été plus Tekken que les deux autres. Là, cette année, sur ces derniers opus, ça a un peu changé, parce que aussi bien Street 6 que Mortal Kombat 1 ont fait un très gros effort sur l'accessibilité au niveau des joueurs. Street 6 avec son modern style et Mortal Kombat avec des tutos extrêmement progressifs, extrêmement détaillés et très bien faits. Donc je trouve qu'il y a quand même une volonté, en fait, d'amener le joueur à se perfectionner. Mais en l'occurrence, c'est rien par rapport à ce qu'a fait Tekken. Parce que, en fait, dans le jeu, tout est fait pour que le joueur, naturellement, soit amené à se perfectionner de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un très très gros effort qui a été fait sur tout ce qui est mode entraînement. Il y a énormément de modes de jeu. Alors, l'histoire, moi, je suis très friande de l'histoire de Tekken. Hein. J'ai toujours beaucoup aimé... C'est ce combat entre les Mishima et les Kazama. Moi, ça, entre Jin et Kazuya, ça a toujours été mon truc. Donc moi, j'ai adhéré à l'histoire à 100%, même si elle est un peu plus courte que ce que moi j'en attendais. J'aurais bien aimé une histoire un peu plus fleuve à la Mortal Kombat, comme on a eu dans Mortal Kombat. C'était un peu plus long, c'était bien. Mais en même temps, c'est pas dérangeant, parce que ça évite, en fait, d'amener de l'ennui chez le joueur. Là où j'ai été un peu déçue, c'est dans les histoires spécifiques aux personnages, parce qu'en fait, dès le départ, on a les 32 personnages débloqués, on a les 16 arènes débloquées, même s'il y a des petits ajouts une fois qu'on a fini le mode histoire sur certains personnages, notamment sur Reyna et sur June. Et donc, une fois qu'on a fini le mode histoire, on a donc l'implémentation de nouvelles informations, on a les vraies fins, en fait, de chaque personnage. Et moi, je suis restée un peu sur ma faim quant au background qui est présenté pour chacun de ces personnages, justement. J'en attendais plus, j'attendais que ce soit un peu moins expédié et parfois un peu plus compréhensible, parce qu'en fait, au final, j'ai pas vraiment tout compris. À certaines fois, c'est un peu cryptique. Il y en a qui sont complètement loufoques, hein. Clairement, la fin de Reyna, elle est complètement what the fuck. Bon, après, c'est du Tekken, donc ça passe très très bien. Mais Au niveau creusage de l'or, j'aurais aimé aller un peu plus en profondeur. Voilà, clairement. Il y a aussi le mode Arcade Quest. Là, c'est clairement, en fait... C'est un peu le même hub que le online dans Street Fighter 6. Hein. Clairement, ils sont inspirés. Sauf que je trouve que les avatars sont vraiment pas beaux. Ça fait un peu Avatar Xbox. Par rapport à la magnificence du reste du jeu, j'ai trouvé ça un peu en dessous. Après, l'avantage, c'est qu'en fait, ça vous permet par des combats dans différentes salles d'arcade. En fait, le but, c'est que votre avatar, que vous personnalisez, parce qu'il y a énormément de personnalisation dans Tekken, on peut personnaliser son avatar, on peut personnaliser ses personnages, on peut personnaliser son profil de joueur, enfin, on peut personnaliser beaucoup de choses. Et l'avantage étant, c'est que, ce mode-là, en fait, votre avatar le but de votre avatar, ça va être d'aller dans toutes les salles d'arcade du pays pour devenir le meilleur joueur de Tekken. Il est fan de Tekken, il va falloir devenir le meilleur joueur de Tekken. Et en fait, ça vous permet d'apprendre les bases de Tekken, justement, à un niveau très très doucement, en fait. Et c'est très très bien parce que c'est très ludique. Tous les coups que vous apprenez, vous les mettez tout de suite en pratique derrière avec un combat. Et en fait, c'est très très bien fait. Donc déjà, là, il y a une base de progression. Et après, vous avez un mode entraînement qui est beaucoup plus poussé, avec chacun des personnages, chacun des coups, des stats, des machins. C'est un peu plus compliqué, mais une fois que vous êtes passé par le mode Arcade Quest, si vous voulez, ça va de source. Et là où ils ont été très très malins, c'est qu'ils ont mis en place un truc qui s'appelle le Ghost Battle. Et en fait, quand vous allez combattre un certain nombre de fois avec un personnage, vous allez créer un ghost. Et ce ghost, en fait, va mimer, et puis au fur et à mesure que vous allez combattre avec ce même personnage, en fait, ça va s'affiner. Et en fait, ce ghost va être capable de reproduire votre façon de combattre. Ce qui vous permettra, quand vous l'affronterez, en fait, de voir les limites de votre technique et de pouvoir développer de nouveaux réflexes qui vous permettront de passer outre vos faiblesses. Et là, on voit que clairement, Bandai Namco a voulu lancer un harpon au niveau des joueurs pro, parce que ça va beaucoup servir, alors beaucoup moins aux joueurs casual comme moi, hein, parce que clairement, même si là, pour le coup, vu que j'ai vu ça, j'ai très envie de m'améliorer, surtout qu'en plus on peut combattre les ghosts d'autres joueurs, donc ce qui vous permet en fait, avant de rencontrer le joueur en question, de savoir un peu son niveau et de voir un peu ce qu'il vaut et éventuellement de vous entraîner à parer ses coups. Ouais, c'est pas bête, ça. C'est pas bête, mais on voit très vite que Bandai Namco a voulu faire un grand pas en avant au niveau des joueurs pro. Et là, pour le coup, ils ont très bien joué le truc, parce qu'en fait, l'IA est bluffante, elle arrive vraiment à reproduire la façon de combattre, et pour le coup, la marge de progression est énorme. Alors après, je vous rassure, si vous êtes pressé, que vous n'avez pas envie de vous investir, ou que vous voulez juste faire un petit combat contre un cousin qui a jamais joué à Tekken, vous avez ce qui s'appelle le Special Style. Alors celui-là, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que pendant un combat, vous pouvez l'activer ou le désactiver à tout moment. Par une simple pression sur la touche, c'est L1, je crois. Ouais, c'est ça, c'est L1. Et en fait, c'est un mode, comme le Modern Style de Street Fighter, c'est un mode simplifié. Où en fait, sur une pression, sur une simple touche, vous faites des combos. Voilà, alors c'est un peu plus limité, mais sur le coup, sur les premiers, sauf si vous tombez sur vraiment un pro-gamer, mais pour des joueurs un peu plus débutants, ça va vous permettre de combler le fossé entre les deux et de pouvoir quand même combattre contre quelqu'un qui a un petit niveau sans vous faire trop rétamer, voilà. Et ma foi, je trouve que c'est assez sympa aussi, ce petit mode, même si, alors pour le coup, et ça prouve que le jeu est quand même vachement bien équilibré, moi je ne l'ai pas utilisé. Parce qu'à chaque fois que je l'activais, ça me gonflait, donc je le désactivais tout de suite. En plus, la plupart du temps, je l'activais par erreur, parce que j'ai encore les doigts qui fourchent. C'est vrai que, pour le coup, j'ai fait tout le mode histoire, j'ai fait tout le mode arcade quest, j'ai fait tout sans utiliser ce special style. Et je pense que j'ai pas mal progressé. En tout cas, dans mes deux combats contre Axel, avant qu'il ne jette l'éponge, j'ai réussi à le battre quand même. Donc je suis assez fière de moi parce que c'est pas souvent que j'ai le dessus sur Axel. C'est pour ça que t'as fait que deux combats. Voilà, c'est pour ça qu'il a fait que deux combats d'ailleurs. Mais j'étais assez contente de ça. Et pour le coup, moi Tekken, c'est ma révélation. Franchement, pour le coup, c'est le roi. Ouais. Oh, moi, j'y ai pas joué, hein, mais c'est vrai que visuellement, je le trouve très très beau. Je trouve les effets vraiment, vraiment super chouettes. Et après, c'est vrai que moi, j'ai toujours été plus Street Fighter. Quand je te voyais jouer, j'ai vraiment trouvé ça super beau. Les impacts ont l'air vraiment très très très bien rendus. Après, effectivement, moi je suis plus Street, mais c'est vrai qu'il est très très beau. Il est vraiment très très beau. L'impact a l'air top. Alors j'imagine en manette en main que ça doit être ouf, parce que Street 6, c'est vrai qu'on critiquait la direction artistique, mais qu'on l'avait en main, on sentait vraiment toute la patate. C'était assez, en termes de sensations, c'était assez fort. Donc là, à mon avis, enfin d'après ce que tu m'as dit, et puis de toute façon, l'accueil critique a été assez dithyrambique là aussi pour Tekken 8. Donc j'imagine que les sensations doivent être fortes. Et puis il y a aussi un combattant français, alors je sais plus comment il l'appelle, Bertrand Baguette, comment ils l'ont appelé, Victor Chevalier. Thierry Tour Eiffel, non, doublé par Vincent Cassel. Alors ça, c'est un truc moi qui m'a toujours éclaté dans les Tekken, et c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça me fait beaucoup rire. C'est que il y en a un, il parle italien, il y en a un, il parle allemand, il y en a un, il parle coréen, il y en a un, il parle japonais, il y en a un, il parle français. C'est déstabilisant, hein, parce qu'ils se comprennent tous et tout le monde se comprend. C'est génial, je trouve ça absolument magnifique, moi j'adore. Et oui, effectivement, il y a un petit nouveau, Victor Chevalier, que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de classe. Moi, c'est un personnage. Oui, c'est vrai qu'il est bien designé, le perso. C'est un personnage que j'aime beaucoup incarner parce que non seulement il a la voix de Vincent Cassel, déjà, donc c'est quand même pas rien. Et en plus, avec ses armes, bah, il a une classe de dingue. Alors, c'est pas mon perso parce qu'il est un peu difficile à maîtriser. Mais j'ai bien aimé. La petite nouvelle Reina, moi, c'est vraiment mon perso. Oui, elle est très très stylée, elle. Elle est très stylée. Et alors. Ouais. Pour en revenir à ce que tu disais par rapport à Street 6, moi, ce que j'aime plus dans Tekken, dans ce Tekken 8 par rapport à par exemple à Street 6, même si c'est vrai qu'il est, il est très punchy, il y a beaucoup d'explosivité et tout ça, c'est que Tekken 8, tout est fait, enfin c'est très très agressif. C'est-à-dire que tout est fait pour te porter à l'attaque plutôt qu'à la défense. Mmh. Contrairement à Mortal Kombat ou à un Tekken où tu vas plus parer. Ou un Street, pardon. Par rapport à un Mortal Kombat ou par rapport à un Street où tu vas plus parer tes coups, machin, tout est fait dans Tekken pour te pousser à l'attaque. Et moi qui kiffe y aller à la bourrin, eh ben franchement, c'est du grand art. Alors peut-être que je m'en mêle les saucisses, mais il me semble que Street 6 avait été fait justement pour... Alors, c'était déjà beaucoup plus le cas, oui. Pousser à l'attaque, justement. Et c'était plus explosif, mais je trouve que c'est beaucoup... Enfin, après, c'était plus ta c'est façon plus de jouer. Abouti, c'est plus abouti dans Tekken 8, j'ai trouvé. Ce qui est bien, c'est que je suis pas du tout un spécialiste du jeu de baston, mais j'ai vraiment l'impression que depuis quelques années, le focus est mis sur contenter à la fois les gros mordus du genre qui vont s'entraîner pendant des heures, des semaines, des mois à peaufiner leurs combos, leurs mouvements, leur stratégie. Et en même temps, mettre des modes hyper accessibles pour que celui ou celles et ceux qui veulent juste s'amuser rapidement puissent quand même s'éclater et profiter du jeu tout simplement sans se prendre la tête. C'est ça, en fait. Ça contentera tous les publics, quoi. Ça contentera autant, ça contentera autant les puristes qui vont chercher un gameplay beaucoup plus technique que des nouveaux venus qui vont, là pour le coup avec Tekken, quand même pouvoir évoluer. Et quelque part arriver à sortir des coups spectaculaires sans trop de difficultés avec un peu d'entraînement, ce qui est très bien fait. Pour j'ai deux bémols sur le. Alors c'est purement esthétique, hein, et c'est purement personnel pour. Mais il y a deux personnages que je trouve moches, mais vraiment moches. Le premier, donc, c'est Paul, qui dans les anciens, parce que moi j'ai beaucoup joué à Tekken 1 et 2 sur PlayStation. Ouais, mais Paul il a pris de la bouteille. Alors, là, c'est pour ça. Je m'explique, Paul avant. Paul le blond qui lui dans les premières versions il avait un macaroni géant en guise de coupe de cheveux. Bon, déjà moi à l'époque ça me choquait, mais c'est vrai que Tekken c'est mais à l'époque il était jeune, c'était une ambiance, c'était des graphismes, des musiques de fou, et c'est vrai que sur PlayStation moi j'ai beaucoup joué au 1 ou au 2. Alors déjà sa coupe était pas crédible, il avait un drôle de look, mais là il est empâté, il est tassé, il a une gueule, mais vraiment on a l'impression qu'il sort du bar. Il est vieux, quoi. Moi, je sais pas, on a l'impression qu'il a moitié pochetronné, enfin, c'est assez bizarre. Et il y en a un autre, qui je trouve a une tête vraiment de fion, excusez-moi, c'est l'un des, alors, pareil, sur le clan Kazuma, Mishima et tout le Tintin. Alors, c'est lequel? Je m'y perds, mais il y en a un qui a une mèche comme ça, ça fait comme une demi-lune. Lars Alexanderson. Et il a une tête, je trouve, mais, t'as envie de le baffer. Enfin, vraiment, il a une. J'aime pas du tout. Il a une tête, moi, qui. Moi, je trouve qu'il fait très Final Fantasy, en fait. Ah non. Ah non. Ouais, je trouve. Ah que... alors, il fait héros de comment de Final Fantasy sous cortisone. Alors, il a vraiment une drôle de tête. Il fait bouffi, gonflé, et puis arrogant, désagréable. Tu vois, je sais pas, ce serait un. Ah, je sais pas. Ouais, en même temps, c'est un des fils Mishima, hein. Non, mais j'aime pas sa tête. Non, non. C'est comme faire insulte à Final Fantasy de dire qu'il ressemble à un personnage de Final Fantasy. Il me dit pas que ça ressemble à un perso de Nomura, parce que là. Non, pas de Nomura, mais, enfin. Bah, même de n'importe quel Final Fantasy. Pour trouver peut-être plus moche dans Final Fantasy, ouais, peut-être Quina d'FF9. Mais le personnage est moche à dessin. Mais là, non, franchement, c'est quand même bizarroïde, quoi. Enfin bon, voilà. Ça, c'est vraiment accessoire, hein, je pinaille. Mais globalement, ouais, alors, j'ai trouvé les musiques superbes, les enchaînements du mode story. Ce que réussissait, pardon, très bien Mortal Kombat 1 aussi, mais c'est vrai que je suis plus sensible à l'esthétique de Tekken que Mortal Kombat. Les enchaînements entre les cinématiques et les combats, c'est assez bien fichu. Le truc dans Mortal Kombat, c'est que tu vois la transition entre la cinématique et le combat. Parce que t'as une séquence où la caméra tourne, ça se met en combat. Là, dans Tekken, l'enchaînement... C'est plus poussé est encore. Hyper naturel. Et en fait, il y a des fois, on sait même pas si on est en combat... Enfin, quand le combat se déclenche... Ouais, c'est vrai que c'est bien fichu. Tu dis, mais attends, je suis cinématique, combat... Et en fait, c'est d'un naturel, et moi, j'ai adoré. Franchement, c'est... Non, là, franchement, pour le coup, ouais, c'est un gros 10. Un 10 sur 10, carrément. Ah ouais. Et la note Peggy, parce que c'est vrai que si vous ne connaissez pas Family Pack, on donne une note Peggy aussi, parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec l'âge conseillé. Alors moi, note Peggy, franchement, je mets un 12. D'accord, ça doit être le Peggy officiel du jeu, je crois. C'est le Peggy officiel du jeu, et franchement, ça, ouais, il n'y a pas plus que ça, et franchement, c'est très très bien comme ça. D'accord, bon bah, très très bien. Alors moi, j'ai beaucoup de jeux en cours, comme toi, donc j'en parlerai plus précisément lors de la prochaine émission. Notamment bah, Yakuza 8, hein, Like a Dragon, Infinite Wells. Là j'en suis à 30 heures de jeu ou 20 heures, je sais plus. Pour l'instant, bah c'est aussi bien que je l'attendais, c'est voilà, c'est ouf, et d'après ce que j'ai entendu, je ne suis qu'au début de mes surprises, donc je reviendrai peut-être plus peut-être sûrement, même si effectivement c'est pas très familial là aussi, mais voilà, obligation d'en parler vu comment je suis fan de la saga. Bien sûr. Je vous parlerai aussi plus précisément, plus longuement, de Trails of Cold Steel 3 et 4 qui ressortent en mini-compile, en diptyque, en tout cas traduit en français, donc des JRPG de Falcom que j'aime énormément. Là, je suis beaucoup sur le 3, donc je vous en parlerai plus lors de la prochaine émission, mais j'ai à cœur de faire découvrir cette saga qui est vraiment géniale. De JRPG, et donc je vous en parlerai. Et je vous avais dit aussi lors de la précédente émission que je vous reparlerai en 5 minutes de, je reviendrai sur Steam World Build, puisque lors de notre émission spéciale de fin d'année, enfin du mois de janvier en tout cas, sur les awards, j'avais rapidement dit quelques mots sur Steam World Build. Bah, ce sera peut-être l'occasion de nous dire, voilà, maintenant, je vraiment nous écoutons. Bah, je le conseille vraiment. Alors, j'ai fait un test pour Geeks by Girl. D'ailleurs, Trails of Cold Steel 3 et 4, si ça vous intéresse, le test est en cours. Puisqu'en fait, Bruno a eu les jeux pour en faire le test. Madame Donc, Maman m'a... Je l'ai engagé. Enfin, je l'ai engagé. M'a pris en otage. Et, voilà, on va dire ça. C'était neuf que je pouvais pas refuser parce que j'avais les jeux. Donc, je le dis franchement. Et aussi, c'est... C'est aussi beaucoup et en priorité l'envie de les faire découvrir, en fait. Voilà. Surtout. Et puis, ça me rappelle, comme je dis à chaque fois, je radote, mais ça me rappelle mes années pré-JV. Donc, voilà, c'est chouettos là-dessus aussi. Donc, oui, Steam World Build, donc c'est un city builder, donc à la SimCity, plus un tower defense. Vous devez défendre un camp. Tout ça mélangé dans l'univers de Steam World. Si vous ne connaissez pas l'univers de SteamWorld, vraiment, je vous le conseille vivement. En fait, on a eu SteamWorld Dig 1 et 2, qui là est un mélange de plateformes, de jeux où il faut creuser. Voilà, c'est de l'action-aventure, une merveille totale. Il y a aussi SteamWorld Heist, qui lui était un tactical RPG en vue de profil, qui, voilà, qui est génial aussi. En fait, à chaque fois, ils se sont aussi adonnés aux jeux d'aventure avec des cartes. Enfin, à chaque fois qu'ils s'accaparent un style, le résultat est à chaque fois excellent et profond et accessible aussi. Alors, du coup, je t'arrête deux secondes. En fait, à chaque fois qu'ils font un jeu, le genre est différent. Par contre, au niveau de la patte graphique, on reste sur le même univers. On reste sur le même univers. Alors, le genre est différent, bien sûr. SteamWorld Dig 1 et 2, c'est le même genre, mais parce que c'est une suite. C'est le même univers. Donc, c'est des robots dans un univers steampunk. Beaucoup d'humour. Un style cartoon, mais très, très chiadé, très, très joli. Moi, j'adore. Vraiment, l'univers graphique est très beau. Et des dialogues toujours bien ciselés, beaucoup d'humour. Et donc là, dans SteamWorld Build, donc là, il s'attaque au genre City Builder et c'est une réussite à chaque fois, donc j'en parle dans le test dans Geeks by Girl. C'est magnifiquement réalisé, et là vous avez plusieurs couches. En fait, vous avez donc une ville en surface où il faut partir de zéro à la SimCity, donc les ressources, les bâtiments, il y a des classes de personnages à développer, il faut répondre aux desiderata des uns et des autres. Alors là, c'est dans l'univers SteamWorld, donc ils ont besoin de telle et telle ressource. On mine des ressources, mais on mine des ressources en extérieur, mais on mine des ressources aussi en souterrain. C'est la deuxième couche de gameplay où en fait vous avez des niveaux de mine à exploiter. Et quand vous avez terminé complètement un niveau de la mine, vous pouvez descendre à un niveau en dessous. Et donc il y a 4-5 niveaux comme ça. Alors de mémoire, parce que là, ça fait 2 mois maintenant. Alors, si je suis un peu imprécis, je m'en excuse, parce qu'entre-temps, j'ai joué à tellement d'autres jeux. Mais dans ces phases de mine, vous devez récolter d'autres types de ressources avec d'autres types de classes. Et c'est là qu'il y a une partie tower defense qui se met en place, puisque vous êtes régulièrement attaqué par des créatures. Et là, il faut bien mettre en place donc des systèmes de défense avec des guerriers, mais aussi des équipements, voilà, pour ralentir ces attaques. Et c'est deux jeux en un, mais ce qui est excellent et très bien fait, c'est que c'est deux couches de gameplay qui se répondent. En fait, c'est deux couches, que ce soit le monde extérieur ou donc les mines, tout communique. Et en termes de gameplay, en termes de même de game design, tout est enchevêtré. C'est-à-dire que ce que vous minez en bas va servir en haut, et ce que vous faites en haut va influencer aussi ce qui se passe en bas. Et alors dit comme ça, ça paraît peut-être trop, mais non, le jeu amène chaque couche de gameplay de manière très souple, de manière très didactique au fur et à mesure, et on s'y retrouve totalement au bout d'un moment, on manie tout à fait, et en plus au pad, parce que moi donc, j'ai joué sur PlayStation 5, c'est disponible à peu près partout, le gameplay au pad est vraiment super bien pensé, on navigue pas aussi bien qu'une souris clavier, mais franchement pas loin, c'est super fluide. Et j'ai adoré. Alors après, comme je dis dans le test sur Geeks by Girl, le seul petit défaut pour moi, c'est que les demandes des diverses classes, parce qu'on débloque des classes, que ce soit à la surface ou en souterrain au fur et à mesure, et pour cela il faut remplir pas mal de, voilà, faut faire grossir ces structures, donc il faut répondre aux desiderata, comme je disais, des uns et des autres, et c'est vrai qu'ils sont très très difficiles au bout d'un moment à contenter, et c'est vraiment c'est chaud, quoi, faut s'accrocher. Par contre, il y a plusieurs niveaux de difficulté, donc rassurez-vous, vous pouvez jouer en mode super facile, vous pouvez même jouer en mode bac à sable. Moi je joue en mode normal, mais il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et tout le monde peut s'éclater en fait à ce jeu. Alors j'ai pas trop essayé le mode bac à sable encore. Il y a plusieurs environnements aussi de disponibles. Enfin, il est très complet. Vraiment, c'est une merveille. Si vous, comme moi, vous êtes un nostalgique de SimCity sur Super Nintendo, où Miyamoto et son équipe avaient rendu le jeu encore plus user-friendly que sur PC, là on est. Alors bien sûr, avec mille fois plus d'options, mille fois plus de possibilités, mais on est dans quelque chose de très accueillant, malgré toutes les couches de gameplay. Et même pour un public plus jeune, je pense que ça peut vraiment être une belle initiation au genre en se mettant en mode bac à sable ou mode facile. Et si vous êtes amateur du genre, allez-y. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré vraiment en long, en large et en travers. Et j'ai oublié de dire qu'il y a un scénario qui est très très bien écrit, qui est lié à d'autres jeux de l'univers SteamWorld, mais ça je ne spoilerai pas plus, puisque le but c'est de s'échapper d'une planète où il se passe quelque chose d'assez bizarroïde en souterrain. Il faut récolter divers pièces d'une navette et récolter des pièces d'une certaine technologie pour pouvoir s'échapper et éviter une catastrophe. Voilà. Moi, j'avoue, alors c'est pas du tout mon genre de jeu. Hein. Moi, les SimCity ou trucs comme ça, c'est trop complexe pour moi. C'est pas, ça me parle pas du tout. Par contre, c'est vrai que à t'avoir vu jouer, ça a l'air complexe. Alors quand tu vois les tableaux, t'en as partout, tu fais oh là là là, ça a l'air compliqué. Et en fait, finalement, quand on te voit jouer, bah ça a l'air relativement simple. Et je pense que je vais peut-être l'essayer. Tu m'as vraiment donné envie de le tenter. Parce que quelque part, déjà, c'est un univers, moi, le steampunk, c'est un univers qui me parle. Et en plus, c'est vrai que ça a l'air assez abordable. Et je me dis que ça pourrait être une bonne porte d'entrée sur le genre. Donc, je me dis pourquoi pas. Et je pense que je vais le tester. Du coup, tu lui donnerais quelle note ? Je précise juste avant la note, parce que ça me revient, que le prix, au moment de sa sortie, était déjà très bas. Oui, c'est vrai qu'il vaut pas très cher. Il coûtait 29,99€ et j'imagine, enfin peut-être que depuis il y a peut-être des petites promos en plus, mais vraiment pour moi ça a l'air de les valoir. Là je l'ai eu pour le test, hein, mais très franchement je l'aurais acheté 50€. Je me serais pas senti volé du tout parce qu'il est vraiment très complet et. Oui, puis il a l'air d'y avoir une durée de vie qui est quand même assez colossale. J'ai vraiment. Hein. Ah oui, c'est colossal, c'est-à-dire que je crois que j'ai dû faire 60€, mais que sur une même map. Il est vraiment, et puis il y a énormément, je vais pas tout détailler, mais il y a plein de très bonnes idées dedans. Comme je disais, il y a vraiment des robots qui sont trop exigeants. C'est le seul défaut, c'est qu'en mode normal, vraiment, ils sont même à baffer au bout d'un moment. Tu te plaignais aussi de la taille des textes. Texte un peu trop petit pour moi, et, mais ça, avec mes yeux de taupe, c'est compliqué, et aussi, les attaques qui deviennent de plus en plus fréquentes au fil de votre save en souterrain, il y a un son d'alarme qui se déclenche à chaque fois, qui au bout d'un moment va vite vous agacer. Mais c'est vraiment, je dirais, deux grains de sable dans un désert de bonheur. J'ai vraiment adoré. Je lui mettrai un bon 8 sur 10. Ah ouais, 8 c'est tout. Non, 8 c'est beaucoup pour moi. Ah, oui. Bah, tu sais que je note sévèrement, toi, c'est vrai. Sachant que je lui avais mis 4 sur 5 hein, sur Yeast by Girl, donc 8 sur 10, ça me paraît logique. Et vraiment, ouais, c'est un 8 sur 10. Mais c'est excellent et je le conseille vraiment à tous. Et in extenso, j'ai envie de dire, je conseille vraiment les jeux Steam World Build. Je conseille les jeux Steam World. D'une manière générale, ce sont des jeux excellentissimes. Mais vraiment, si vous aimez creuser dans les jeux, moi j'adore creuser. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Build, SteamWorld Dig 1 et 2, si vous aimez la plateforme et creuser, voilà, c'est formidable. Et surtout, que je vous dis, il y a un lien entre Build et les digs scénaristiques, j'entends. Et voilà, donc je le conseille très très très très moultement, fortement. Et ma note Peggy, alors là vraiment, allez-y, hein. 7 franchement. Plus 3 plus. Ah, 3 plus, c'est un peu compliqué là. Bah, c'est-à-dire que oui, c'est au niveau. C'est un peu compliqué. Moi, je serais tenté de dire quand même 12 plus. Parce qu'il y a quand même beaucoup de surcouches de gameplay. Alors, si on est un petit gars futé de 7-8 ans, et oui, je pense que c'est jouable. Mais je pense qu'éventuellement certains enfants se sentiraient submergés par ces surcouches de gameplay, même si c'est vraiment amené de manière très très intelligente, de manière très souple. Vraiment en termes de tuto, je trouve que c'est un exemple. Hein. Ils amènent vraiment chaque couche. On s'en rend pas compte en fait. On entre en jeu, on s'amuse et on apprend plein de choses. Pour ça, faut pas avoir peur des screenshots parce que les menus sont. Ou là, pour ceux qui écoutent qui regardent la version vidéo de l'émission, Là, je mettrai des images, voilà, des vidéos. Faut pas avoir peur de tout ce qu'on voit à l'écran. Ça peut paraître fouillis, mais quand on est dedans, tout paraît logique, en fait. Non, je dirais 12, quand même. Je dirais 12. Et du coup, toi, Axel, qui avait aimé SimCity, je crois qu'il me semble que tu avais aimé SimCity à l'époque. Oui. Ça... Ah, sur Super NES, je l'avais fait découvrir. Ça te tenterait pas de le... Mais là, tu l'as essayé un peu, je crois, non ? Je sais plus. Non. Ah non, tu l'as pas essayé. Bah, c'est vrai que ce serait sympa, j'aime bien ce style de jeu, et puis pourquoi pas à l'occasion. Mais c'est... Voilà. C'est un genre de jeu, et le problème avec Axel, je pense, c'est que, déjà avec l'école et tout le reste, et puis les jeux auxquels il joue. Et la musique à côté aussi. Voilà, les musiques que tu crées, effectivement. C'est un jeu qui est très chronophage. C'est un genre de jeu où vraiment, ça prend beaucoup de temps. Le temps pour les ressources, pour monter sa ville. Et mon temps est déjà pris, donc. Sachez-le, c'est un jeu qui est extrêmement chronophage. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je pense que c'est un jeu, à conseiller quand vous avez des un peu de vacances. Et si vous aimez le genre, mais alors vraiment, foncez, quoi. C'est, pour moi, c'est une belle référence du genre. Bah, puisqu'on parle de jeu chronophage, moi, j'ai eu la chance, donc, de toujours le test complet sur Geeks by Girl, hein, je reviendrai pas dessus parce que je l'ai pas encore fini, parce que bon, voilà. On est sur, moi, j'étais sur Persona 3 Reload, qui est un excellent jeu. Alors, je vais juste vous en dire vite fait deux, trois petites choses, parce que, bah, Persona 3 Reload, clairement, c'est pas familial du tout. Ne serait-ce que par le fait que les attaques, déjà, pour matérialiser les personnages, les personnages se tirent une balle dans la tête. Donc, déjà, voilà, on n'est pas très... Mais il est excellent. Il est superbe. Toi, déjà, t'es fan de Persona. Moi, je suis déjà fan de Persona, déjà, depuis que j'ai découvert le 5. J'avais kiffé Persona 5 Tactica, j'avais kiffé Persona 5 Striker, parce que moi, de toute façon, Persona 5, je redemande autant. Ça, je pense qu'ils l'ont bien compris chez Atlus. Voilà. Je pense que, oui, à mon avis, je suis estampillée Persona. Et là, j'ai eu la chance d'avoir le 3 Reload, et il est extraordinaire. J'aime beaucoup l'histoire. J'accroche totalement avec les personnages. Ma seule frustration, c'est de pas avoir assez de temps pour faire tout ce que je veux dans une même journée, parce que, ben, comme toujours, c'est cloisonné, on peut faire une activité le matin, une activité le soir, enfin, et encore, voilà, donc c'est très frustrant de ne pas pouvoir aller aussi vite qu'on le voudrait, de ne pas pouvoir faire plus de choses dans une même journée. C'était un peu ce que je reprochais aux Sims à l'époque, d'ailleurs, c'est qu'on n'avait pas assez de temps pour faire des trucs dans la journée. Et voilà, et donc je m'éclate sur Persona 3 Reload, j'en suis à une quarantaine d'heures. Faut préciser que c'est un remake du 3 et qu'ils ont tout repackagé à la manière de Persona 5, mais avec sa propre identité de Persona 3. Alors oui, ils ont fait quand même, ils ont plus ou moins uniformisé avec ce qui avait plu aux joueurs dans Persona 5, donc moi forcément je suis hyper cliente. Et il est vraiment, il est magnifique, il est super. Bah, c'est la meilleure version de Persona 3 que vous pouvez trouver, clairement. Je pense. Et ça vaut le prix. Et alors, en parallèle de ça, parce qu'évidemment, ce sera pas drôle, j'ai pu faire un autre jeu. Alors là, on est sur un autre style, mais moi, je suis très cliente aussi. J'ai eu la chance d'avoir le Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Donc c'est les trois épisodes en fait qui suivent la trilogie qui était sortie il y a quelques années de Phoenix Wright, où il y avait les trois premiers jeux de Phoenix Wright. Là, on suit Apollo Justice, qui est donc plus ou moins un élève de Phoenix. Et en fait, c'est les trois épisodes, les trois jeux suivants, qui sont ressortis sur PS5 et sur Xbox. Par contre, peut-être rappeler pour ceux qui connaissent pas du tout. Et donc, en fait, la trilogie la saga des Ace Attorney, en fait, c'est un jeu d'enquête matinée avec une simulation d'avocat. Dans un look animé manga. Que moi, j'adore. Avec un design génial signé Capcom. Voilà. C'est un jeu de Capcom. Comme d'hab, c'est réglé au cordeau, c'est voilà. Et il y a énormément d'humour, que ce soit dans les réactions des personnages, c'est complètement barré, c'est loufoque, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Enfin, c'est tout ce que moi j'aime, en tout cas. Et en fait, j'avais déjà fait la première Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, donc les trois premiers jeux Phoenix Wright. Et là, j'ai pu découvrir donc la suite. Moi, ce que j'espère toujours, et là, j'envoie un grand message à Capcom, s'ils m'entendent. Ils ne t'entendront pas. Parce que vu qu'on a eu Phoenix Wright et qu'on a eu Apollo Justice, je me dis que peut-être on aura les jeux avec Benjamin Hunter qui n'ont jamais été traduits chez nous, ça serait bien. Oh, c'est peut-être possible. Hein. Donc c'est pour ça que j'espère, je réclame, parce que Benjamin Hunter, c'est... Oui, parce qu'il ressemble à Dante, donc... Oui, écoute, moi c'est mon personnage préféré, écoute, voilà. Mais j'aime beaucoup Dante Apollo. Et pas Dantier. Oh là là là, mon Dieu. J'aime beaucoup Apollo et j'aime beaucoup Phoenix, parce que Phoenix c'est le premier et Apollo j'aime bien aussi. Phoenix c'est le plus connu, c'est le personnage emblématique. C'est le personnage emblématique, forcément. Mais c'est vachement bien qu'ils aient développé au fil des années tout un lore autour des différents personnages, différents héros, c'est chouette. Et à chaque fois, les procureurs qui, en fait, la justice japonaise, c'était un avocat de la défense et en face, c'était un procureur. Et tous les procureurs qui sont en face de Phoenix ou d'Apollo et qui font se battre contre eux, ils sont tous aussi charismatiques et aussi cinglés les uns que les autres. Et c'est un truc de ouf à chaque fois. Chaque procès devient l'occasion de enfin, chaque procès est plus grandiloquent, sont plus grandiloquents les uns que les autres. Il faut vraiment, en fait, le truc, c'est que c'est très difficile à décrire, parce que ça a l'air très rasoir comme ça. Mais en fait, il y a un truc qui fait qu'entre les graphismes, l'humour, les textes, les enquêtes à mener, les situations, la façon dont les personnages réagissent au tribunal, comment ça se déroule au tribunal et tout ça, en fait, ça fait toute une espèce d'alchimie qui marche super bien, et moi, j'ai adoré. J'ai adoré Apollo Justice autant que j'avais adoré Phoenix Wright. C'est un très bon 9 sur 10 en ce qui me concerne. Et au niveau Peggy, parce que ça parle quand même de meurtre, tout ça de... Alors, ça parle de meurtre, effectivement, on voit pas grand-chose, mais en fait, c'est surtout... Moi, ça a été mon plus gros problème, en fait, c'est que le problème étant pas de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on comprend assez vite où ils veulent en venir et ce qui s'est passé, enfin, moi, du moins, maintenant, je sais pas si pour les autres, c'est pareil, hein, mais en tout cas, moi, c'est mon problème. Et le souci, c'est quand je veux présenter, parce que je sais déjà quel élément, je vois à peu près où ils veulent en venir, et je sais quel élément, quelle preuve va prouver quel truc. Sauf que j'ai toujours un ou deux trains d'avance, et je m'en rends pas forcément compte. Et en fait, le but pour moi, c'est d'arriver à trouver ce que les développeurs ont voulu, enfin, dans quel sens ils ont voulu qu'on présente les trucs pour en arriver à un endroit où moi je suis déjà depuis, depuis 10 minutes, quoi. Et c'est ça qui est compliqué, parce que des fois je me retrouve à perdre alors que j'ai la preuve qui au final va prouver le truc, mais je veux la présenter tout de suite parce que pour moi il n'y a pas d'autre débat. Enfin... Oui, ça reste quand même très scripté, donc il faut que tu suives... Et ça reste quand même très scripté, et il faut suivre en fait le cheminement de pensée des développeurs qui n'est pas du tout le même que le mien. Ils ont une logique qui est totalement différente de moi. Et c'est parfois un peu compliqué. Mais du coup, comme il faut avoir un certain raisonnement et tout ça, je pense que ce serait minimum Peggy 12. Peggy 12, tu parce penses, parce qu'il ouais. faut quand même avoir un certain cheminement de pensée. C'est le Peggy, d'ailleurs, c'est Peggy 12. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Parce donc là, on est raccord là, sur cette émission, là, sur tous les Peggy. Là. On est raccord. Même si, des fois, vu le cheminement de pensée qu'il faut avoir, moi, j'aurais même poussé jusqu'à un Peggy 16. Ah, à ce point-là, quand même ? Bah, c'est pas forcément évident d'arriver à... Après, y a rien de méchant, hein, donc un Peggy 12, c'est faut plutôt... être un petit génie. Non, c'est plutôt, ouais, quoi qu'un... Un enfant de 12 ans pourrait arriver à trouver, ouais. Je sais pas. Moi, ça me paraît compliqué, ça me paraît complexe, mais... Bah, après... si vous avez un petit Malcolm à la maison... Voilà, je pense que ça passe tout à fait. Je pense qu'Axel, à mon avis, rigolerait et il me ferait ça en deux temps, trois mouvements, hein, mais... Je sais pas. J'avoue, j'ai Après, du mal moi, à jauger. Moi, je pense pas comme tout le monde. Enfin, penser très différent, donc c'est sûr que. Bah, une fois sur deux. À mon avis, c'est là que ça risque de poser problème, en fait. Une fois sur deux, je peux me gourer. Par contre, tu parles complètement comme ça. Je sais pas si on va. Voilà, donc, ouais. Non, franchement, moi, ce Apollo Justice, si vous avez un petit peu de sous qui reste de, bah, des étrennes, bah, faites-vous plaisir parce que franchement, ça vaut le coup. Faut être riche quand même. Vous avez trois jeux. Trois jeux avec 4 ou 5 enquêtes par jeu, vous avez une durée de vie d'au moins 80 heures. Au moins beaucoup. Voilà, c'est très très très long. Toi, tu as joué sur PS5. Moi, j'y ai joué sur PS5. Et alors là-dessus, ils ont très bien lissé les graphismes. Alors, chaque jeu est présenté de la même façon qu'il est sorti à l'époque. C'est-à-dire que le premier Apollo Justice est très manga dessin. Donc vraiment tout en 2D. À partir du 2 Dual Destiny, on passe sur des personnages en 3D. Toujours sur des fonds en 2D, hein. ça change pas, c'est toujours un peu visual novel avec les travelling pour voir les environnements qui sont des dessins. Enfin, mais par contre, ils ont lissé l'image, ce qui fait que même sur une télé HD, ça passe très très bien, c'est très très beau. Et on a plaisir à les redécouvrir comme ça, parce qu'il faut savoir que les Phoenix Wright et les Apollo Justice sont sortis sur DS. Donc forcément, c'est pas les mêmes... voilà. Et en fait, ils ont fait ça de sorte qu'en fait, c'est un peu comme ils ont ressorti Ghost Trick il n'y a pas très longtemps, qui lui aussi était sur une console portable à la base. Oui. Et ben en fait, le graphisme sur PS5, ils ont retravaillé le truc et ça passe super bien. Les musiques sont toujours aussi géniales. Bref, moi je vous le conseille. Si vous aimez un peu, si vous êtes un peu intéressé par ce genre de jeu enquête, simulation d'avocat, c'est complètement loufoque et ça peut vraiment vous plaire. Moi, je vous conseille vraiment de vous y lancer. Eh ben merci Madame Maman pour cette déclaration d'amour envers cette saga de Capcom qui est née sur GBA, si je dis pas de bêtises. C'est ça. D'ailleurs, J'en profite, si vous voulez un test plus complet et peut-être un peu mieux formulé que ce que je vous ai fait là, vous avez aussi le texte sur Geeks by Girl. Voilà. Que ce soit Persona 3 Reload ou Apollo Justice ou même Tekken 8, vous avez les trois tests complets sur Geeks by Girl. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit peu de temps et que vous avez envie d'en savoir plus, à aller consulter ces petits tests-là. Bon, et ben on s'achemine vers la fin de l'émission, mine de rien. Et on va, je pense, se quitter avec nos petites recommandations EuroJV. C'est parti! On va terminer avec quelques petites recos hors JV. Alors moi, j'aimerais parler un petit peu de Gaston Lagaffe, hein, puisque c'est l'un de mes amours de BD depuis que je suis tout gamino. Et ça y a eu un retour, là, il y a pas longtemps, d'un nouvel album. Ça aussi, ça a été toute une affaire. Parce qu'à la base, Franquin ne voulait absolument pas que ses héros lui survivent. Voilà, et c'est vrai que sa fille n'était pas d'accord pour qu'un nouvel album sorte. Alors, je vous avouerai très franchement que je n'ai pas suivi la fin de cette affaire. Toujours est-il qu'on m'a prêté cet album. Alors, je l'ai pas là, parce que je l'ai rendu. Le nouvel album de Gaston. C'est vrai que pour moi, au début, c'était comme un peu une hérésie de sortir, parce que pour moi, c'est Franquin et personne d'autre. Je mettrai des images en insert dans la version vidéo. Mais j'ai trouvé ça sympathique. C'est-à-dire que le style, on voit sur certaines choses visuellement que c'est pas Franquin, mais c'est très très bien. C'est très bien imité. C'est très bien imité. Là, pour le coup, j'avoue, on a vu des choses moins bien reproduites. Ce coup-là. Et c'est en fait, moi, c'est pas trop sur les dessins en eux-mêmes que j'ai vu la différence, c'est plus sur les thématiques qui sont beaucoup plus actuelles. Pour le coup, forcément. C'est normal, puisque le Gaston original, on est sur une période années 60-70, globalement, hein, je dis ça à grands traits. Ça prend des références contemporaines, mais de manière, je trouve, très très facile. C'est des gags sympatoches, mais pour les trois quarts, il y a deux trois gags que j'ai trouvé très sympas. Les autres sont bien aussi, mais j'ai trouvé que l'écriture était un petit peu facile, la vanne, les jeux de mots étaient un petit peu faciles et qu'on était loin de ce qu'on pouvait voir dans les anciens Gaston. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus. Par contre, surtout ce que j'ai aimé, le coup de cœur, c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai trouvé ça en faisant mes courses. Alors je mettrai un insert peut-être parce qu'avec avec le spot, je sais pas si ça fait brillant. Et ça s'appelle Gaston Manfin. C'est un hors-série Le Parisien, hors-série Histoire de BD. Je crois qu'ils avaient fait un hors-série comme ça sur Astérix ou Tintin, il me semble, je ne sais plus. En tout cas, celui-là, je l'ai vu. Je me suis jeté dessus parce que je suis fan de Gaston et j'ai vraiment adoré puisque c'est Gaston qui est l'histoire de Gaston qui est revue par thématique avec des planches. On a certains croquis qui sont peu connus. En fait, c'est plein de chapitres thématiques avec des sélections de planches, de dessins, de témoignages, et ça recontextualise Gaston et ça le met aussi en reflet avec notre époque. Je le repose. Hein. Et c'est très intéressant. Ça revient sur l'histoire du personnage de Franquin et c'est une sorte de. Alors, si vous êtes fan hardcore comme moi, vous apprendrez peut-être pas grand-chose, mais c'est un beau livre pour se replonger. C'est un prétexte pour se replonger dans certaines planches, revoir certains croquis. Et les thématiques sont très très bien amenées. Il y a vraiment certaines choses qui sont. Je trouve que l'angle utilisé est assez pertinent, en tout cas très souvent. Et c'est un beau bouquin. Je vais vous dire le prix. Combien que j'ai achetouillé ça? Alors, c'est 12,95. Je sais pas si ce sera encore disponible au moment, où vous écouterez ou regarderez cette émission. Mais Gaston Manfin, c'est l'un des angles du bouquin. C'est de dire que Gaston était l'œuvre, en tout cas, de Franquin était visionnaire à plus d'un titre, et que certaines thématiques résonnent fortement avec les problèmes de la société actuelle. Enfin, c'est très très intelligemment fait et hein, c'est vraiment un beau projet éditorial que je conseille à toutes et tous. Moi, en ce qui me concerne, en début d'année, j'ai eu la grosse surprise et là-dessus, je voudrais remercier les éditions Kurokawa. Je ne sais pas s'ils passeront par là et s'ils nous regarderont ou nous écouteront, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup remercier les éditions Kurokawa puisque j'ai eu la surprise. Je ne savais même pas que ça existait, que ça allait sortir, de recevoir le guidebook officiel de Spy X Family, le premier guidebook officiel sorti donc chez Kurokawa. Alors moi, je suis très très fan de Spy X Family, comme beaucoup de gens, hein, parce que c'est l'une des séries phares en ce moment. Et ce petit guidebook, en fait, va nous décrire tous les personnages. En fait, il y a énormément d'illustrations. Alors, je sais pas si on voit. Il y a des fiches de personnages où on voit leur version cachée, leur version connue, leur identité, tout ça. On apprend pas mal de choses. Ce qu'il y a de bien avec ce petit guidebook, c'est que ça reprend des tomes 1 à 9. C'est-à-dire que c'est pas trop avancé dans la série. En général, les gens qui aiment Spy X Family sont à jour. Donc, en fait, ça, c'est un bon complément d'histoire. On apprend beaucoup de choses. On a énormément aussi de questions-réponses où Tetsuya Endo lui-même, le mangaka, répond en fait sur ce qu'il a voulu faire et sur ses inspirations, sur ses motivations pour Spy X Family. Donc, c'est très très intéressant. Il y a même une interview fleuve à la fin où il est mis en concordance, en fait, c'est des interviews où il est mis avec des gens qu'il a travaillé ou avec des gens qu'il admire ou avec des mangaka qu'il admire. Et en fait, on s'aperçoit très vite que c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas, enfin, qui se dénigre un peu beaucoup, je trouve, parce qu'il a un talent incroyable. Il y a énormément d'illustrations, il y a plein de petites choses, petites anecdotes. Il y a d'autres artistes qui viennent faire des illustrations, et là où j'ai trouvé que c'était sympa, c'est que même quand il y a des toutes petites lignes en japonais, qui sont toutes petites, écrites en tout petit, en bas vous avez la traduction française, donc vous comprenez absolument tout ce qu'il y a dans le bouquin. Et c'est un excellent travail vraiment de Kurokawa. Je vous le conseille. Si vous êtes fan de Spy X Family, franchement, ne passez vraiment pas à côté, parce que c'est vraiment une mine d'or. J'ai qu'une envie c'est de dire vivement le deuxième. Franchement... Il est vendu à combien ? Alors, il est vendu à 24,99€. Et franchement, moi, j'aurais vu que ça existait avant qu'il me l'envoie. Sincèrement, je l'aurais acheté direct. Et je trouve que pour 25€, vous avez même une petite reliure en toile du marais noir, avec de l'argenté. Enfin... Oh, c'est vraiment magnifique. Ah, non, il est vraiment très, très, très beau. Franchement, les 25€, ça les vaut. Sincèrement, ça les vaut. Ça va avec le manga, on apprend énormément de choses. C'est une mine d'informations. Moi, je dis, si vous aimez Spy X Family, bah, jetez-vous dessus. C'est un très très bon investissement. Voilà. Et j'espère qu'ils en feront d'autres et que je pourrai avoir les coups et que j'achèterai les autres. À chaque fois, je reprends Madame Maman parce qu'elle fait des coups sur la table. Là, tout à l'heure, Axel a cogné dans la table. Je vois l'onde là de l'enregistrement, ça a fait un truc. Oui, non, mais c'est marrant de montrer un petit peu les coulisses de l'émission, puisque c'est un peu le créneau, même si on a rebriqué, j'ai envie de dire, avec cette nouvelle version. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit un petit peu aussi au naturel. Donc, voilà, moi aussi, hein, je fais attention parce que parfois, je tape trop fort dans le micro ou autre, et après, pour rattraper ça au mixage sonore, c'est pas toujours évident. Mais alors, merci Madame Maman pour cette présence. C'est vrai qu'il est vraiment, c'est magnifique. Très très beau boulot de Kurokawa. Bah écoutez, je pense que on tient là encore une émission assez garnie, ma foi fort bien achalandée. Si Family Pack vous plaît, c'est super important d'en parler autour de vous. C'est très très important. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Parce que alors, nous, on est vraiment partout. On a Thread, on a Blue Sky, on a tout, on a X, on a Facebook, on a Instagram, on a TikTok. Ouais, n'hésitez pas, Family Pack est partout. Et si vous voulez encore plus de Family Pack, ou peut-être plus spécifiquement, vous aimez plus Monsieur Papa, vous aimez plus moi. Ou... Alors Axel n'a que Instagram pour l'instant. Mais il est sur le Discord de l'émission. Mais il est sur le Discord de l'émission qui est accessible au Patreon. Donc ça peut mais peut-être TikTok pour bientôt. Oui, c'est ça. Peut-être. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, Monsieur Papa oui, et moi, on est sur tous les réseaux aussi, tout comme Family Pack. Donc n'hésitez pas à nous rechercher. Moi, vous me retrouverez Natacha Roca, Signaltas. Vous me retrouverez un peu partout. Monsieur Papa, chez Bruno, bah, n'hésitez pas aussi à c'est nous suivre. C'est HOZ, le petit ray du bas. Bruno. Voilà. N'hésitez pas à, sur les applis de podcast où vous écoutez l'émission, bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des petites notes, des petites étoiles et compagnie. pour la visibilité, c'est super important. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi, parce que nous, on s'améliore en fonction de vos retours. Nous, voilà. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire une émission qui vous intéresse. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on est, un peu en rodage de cette nouvelle version, donc... Oui, il y a sûrement très certainement plein de choses à améliorer. On a besoin de vos ressentis, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On reçoit des petits MP des fois. J'ai reçu un petit MP de Oim Lotus l'autre fois, qui a réagi avec nous sur le débat sur GTA et les jeunes joueurs de l'émission précédente. Et c'était très très intéressant ce qu'il nous a dit. Donc on a échangé là-dessus. On lui fait un gros coucou, toute la famille, et on le remercie de nous avoir envoyé ce petit message. Ça très fait chouette. Toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Nous on adore communiquer. Donc on vous répondra de toute façon forcément, soit moi, soit Monsieur Papa, soit Axel. Et puis, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais, on a à peu près tout dit. Merci de nous avoir écoutés encore. C'est très gentil à vous. Et on a hâte de vous retrouver pour l'émission du mois de mars où il va y avoir beaucoup de choses aussi à... J'ajouterais, n'hésitez pas à aller voir aussi la version lite sur YouTube. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce. N'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir, les commentaires. Ça fait toujours plaisir, effectivement. Voilà, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, et puis ça nous donne un peu de visibilité. Si vous aimez l'émission, que vous avez envie de nous soutenir, pas forcément financièrement, hein, juste comme ça. Sachant que, comme on le disait au début, dans le Patreon, vous avez moyen de juste suivre sans contribuer. Donc, n'hésitez pas non plus, parce que plus on a une petite communauté sympa, et plus on aura envie de faire des choses. On se lance déjà dans les concours, on fait pas mal de petits trucs. L'occasion de saluer tous ceux qui sont sur le Discord aussi. On remercie tous les Patreons qui sont sur le Discord. C'est une bonne ambiance. Qui sont sur le Discord. Ouais. On rigole bien, on discute, on débat, on se chamaille des fois. Enfin, c'est assez sympa. Ambiance assez sympa. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Tout le monde est le bienvenu. C'est tout dans la bienveillance. Exactement. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Comment ça, de l'amour? Comme dit Patoche. On vous dit au revoir, on vous remercie encore, et puis au grand plaisir de vous retrouver pour la prochaine émission. Donc du coup, au mois prochain. Au mois prochain, bien évidemment, donc au mois de mars. Voilà. C'est ça. Tu sais plus compter. Bye bye, j'essaye. Ciao. Bye bye. Ciao.